wanted to prophesy. This is your prophecy. Young man came from hunting, faint and weary. I know what kind of a man you are. What is that, my lord, my dearie? I know your story. Behold, the man who pulled sword from stone. I'm not getting drawn into this mess. There's an army of you. It's only one of me. I'll talk. I'm happy to talk. But there is no way that I am fighting. So what happens now? We know what happens now. You're quickly becoming a legend. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam Rex Que Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial, parce que contrairement aux textes médiévaux dont on vous a parlé avant, ou même de l'Antiquité tardive pour certains, là, on va vous parler d'un film plus récent, et ce serait quand même un peu bizarre si on l'abordait de la même manière que ceci. Non, mais tout à fait, c'est, voilà, il y a une certaine différence à respecter. Je pense que, voilà, on peut pas parler des textes contemporains comme on parle des textes anciens, on peut pas... Alors bon, évidemment... Vitus Ricardensis, alors on le connaît sous le nom de Guy de Ritchie ou Guy Ritchie, hein, mais c'est un peu plus compliqué. On peut pas évidemment le traiter de la même façon de traiter Chrétien de Troyes, il y a des enjeux différents. Il a aussi écrit d'autres textes, hein, on connaît mieux sa vie que les auteurs médiévaux, on connaît beaucoup de choses sur lui. On sait qu'il a notamment écrit une... Tu me parlais d'une... Il a écrit une vie de Sherlock Holmes, voilà, apparemment. Qui est un peu différente, qui est très originale par rapport aux autres vies ou romans de Sherlock qu'on raconte aujourd'hui, qui sont souvent contemporains ou qui font plus de changements. Voilà, il y a une vision très traditionnelle, tout en y mêlant un style très particulier, une vision assez particulière de ses films. Il est aussi célèbre pour ses films sur la pègre. La pègre de Londinium ou d'Irlande du Nord. Donc on va Tiberny. Vous aurez compris qu'on va vous parler de King Arthur Legend of the Sword ou Le Roi Arthur la légende d'Excalibur en version française, le film de Guy Ritchie qui est justement connu pour ses films de malfrats et ses Sherlock Holmes qui ont eu pas mal de succès récemment. Oui, je pense qu'on aurait eu la peine à maintenir le beat Vitus Ricardensis. Vitus Ricardensis. On va vous parler de ce film assez en détail, on va essayer de voir quel lien on peut faire avec d'autres adaptations, ce qu'on a aimé, pas aimé, mais justement, avant d'entrer dans les détails de l'histoire, pour ceux d'entre vous qui hésiteraient encore à aller le voir, on va déjà vous faire notre ressenti un peu dans les grandes lignes, ce qu'on en a pensé. Antoine, est-ce que tu as aimé ce film ? Bah, je me suis un peu embêté, en fait, surtout, c'était ça. J'étais assez disposé, hein, j'aime bien le style de Guy Ritchie, j'avais beaucoup aimé son film The Man from U.N.C.L.E. qui était vraiment sympa, j'ai trouvé bien rythmé, bien plein d'action. Bon, c'est pas transcendant, hein, c'est jamais... C'est jamais du très grand cinéma d'art et d'essai, mais enfin c'est divertissant. On sait pourquoi on va voir un film de Guy Ritchie. Moi j'aime bien et la combinaison de ça et du roi Arthur et les trailers me vendaient un truc assez rythmé, assez intéressant. Et au final en fait j'ai pas aimé, mais pas pour des raisons particulièrement liées à l'histoire. Enfin bon, l'histoire était un peu vide en l'occurrence, mais c'était plutôt vraiment le côté, le manque de rythme, les longueurs. Les allers-retours un peu parfois laborieux entre différents endroits pour développer le plot de façon très très lente qui m'ont assez déplu, je dois dire. Après, le traitement de l'histoire, en soi, bon, on va en discuter plus, je trouve pas que ce soit voilà, forcément une raison de se mettre en... de me rouler en boule et de pleurer parce que voilà, ça respecte pas le canon arthurien, entre guillemets. Notre version préférée. Mais non, c'était pas... Voilà, c'était presque décevant d'une certaine façon parce que justement, je n'ai pas trouvé qu'il jouait beaucoup avec le canon arthurien, justement. Au contraire, il prenait pas beaucoup de risques et... disons, c'est pas tellement... mon problème, c'est pas tellement qu'il ne respecte pas le canon, mais c'est qu'il n'exploite pas le canon. Ouais. Enfin, le canon. Quand on parle de canon arthurien, on parle ici non pas d'un canon particulier, hein, mais d'un grand ensemble de textes. Il pourrait piocher dans plein de choses et puis voilà, il fait pas... finalement il fait son truc. Alors c'est sympa, mais enfin c'est rigolo de voir un film de gangster, de se tourner sur un film de gangster. Après, il y a des éléments qui sont vraiment très clairement arthuriens ou en tout cas médiévaux qu'il traite d'une structure générale, par exemple, et certaines choses qu'on peut voir, on peut faire des liens avec. Mais j'ai trouvé que pour le coup, c'était vraiment justement pas assez arthurien en fait. J'aurais préféré qu'il fasse n'importe quoi, mais en disant plus de matériel arthurien, ouais, ça aurait été plus rigolo, je l'aurais trouvé. Et là, pour le coup, je me suis un peu endormi, je dois l'avouer. Alors, c'est intéressant, moi j'ai eu un ressenti un peu différent, c'est-à-dire que le rythme, au contraire, c'est ce que je trouve était pas mal. Je trouve que le style de Guy Ritchie rendait léger des passages qui, par exemple, il aime bien ce montage en zigzag où il fait l'avant-arrière. Oui, alors ça c'était sympa, ça c'était bon. C'est un peu sa marque de fabrique. Moi, je trouve que ça a allégé certains passages qui autrement auraient été assez lourds s'il avait dû les raconter linéairement et assez plus traditionnellement, disons. Maintenant, je trouve que ça fait, c'est ce qui fait fonctionner le film, mais ça en fait pas forcément quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire, ça marche, et je crois que c'est un des gros problèmes. Il y a beaucoup de trucs dans ce film qui sont efficaces, qui sont là pour faire rouler la machine, mais qui derrière ont pas une substance énorme. Il y a le bon roi Uther qui est détrôné par son frère Vortigern, et puis le roi Arthur, enfin, qui est pas encore roi, qui est envoyé au loin pour être élevé dans un bordel, et puis un jour, il sort l'épée Excalibur du rocher, et il va affronter son oncle Vortigern pour lui reprendre le pouvoir. Donc c'est assez simple et assez standard, vous avez l'épée, vous avez le roi, machin. Il y a plein d'éléments qui manquent, puis un certain jeu avec le canon, c'est clair que si vous voulez avoir des arbres généalogiques super purs, bon, vous les aurez jamais parce qu'il y en a plusieurs, mais si ça vous gêne que Vortigern, ça soit le frère d'Uther, ou qu'il y a un mage noir qui s'appelle Mordred, mais qui est pas du tout lié au Mordred fils d'Arthur apparemment, enfin il a pas de lien, il y a juste un mage noir qui s'appelle Mordred au début... Bah c'est clair que c'est pas forcément pour vous. Maintenant, je sais pas si vous êtes puriste à ce point-là, bon, ça allait pas être pour vous de toute façon. Enfin, l'effet que je ressens, c'est que Guy Ritchie voulait faire une origin story, puis il voulait raconter l'histoire du roi Arthur avec les chevaliers et tout, mais il sentait obligé pour ça de faire une origin story un peu sans trop de rapport où il amenait à ça, et puis ensuite il allait pouvoir faire son truc. Alors il le fera probablement pas parce que le film, est un échec, mais malheureusement, on en parlera un peu dans quoi ce film s'inscrit et comment ça a pu le pénaliser aussi s'il était imaginé comme le premier d'une série de films. Pour moi, c'est pas ça vraiment le plus gros défaut. Disons, il y a les tics de Guy Ritchie où c'est vraiment il veut prendre des héros culturels anglais et il veut en faire des boxeurs des rues. Alors, il avait fait ça avec Sherlock Holmes. Et genre, je sais plus, je discutais avec ma sœur des films Sherlock Holmes. Puis je dis, mais oui, tu sais, celui où il fait de la boxe et puis il lui dit, ah, 3 jours d'arrêt de travail parce que je lui ai pété une côte. Et puis, cette scène, elle était mémorable, cette scène de Sherlock qui boxe. Je pense que la plupart des gens ont retenu que ça du film. Là, il n'y a pas du tout le même charme, je trouve, que ces films de Sherlock Holmes, parce que c'est bien sûr, c'est un peu ridicule, cette espèce d'angle britannique qu'il essaye de prendre. Non, d'angle très anglais, j'ai trouvé, en fait. Oui, oui, ça, anglais. Bah, et c'est ça, c'est qu'il parle anglais, il parle de England, c'est pas du tout un roi britannique. Il y a peut-être des chansons britanniques à un moment du film, ce qui est du coup, l'air de sortir de nulle part. Ça me gêne pas plus que ça, mais disons, il y a des côtés qui sont un peu lourds, genre cette espèce de volonté dickensienne de vous montrer ces orphelins des rues où tu sens qu'ils vont aller courir bouffer une tarte à la viande, et puis tout le monde a un petit surnom, on s'appelle Backlack, et puis Wetstick, et puis c'est la même chose que j'ai eu quand j'ai lu Dodger, c'est Londres, mais c'est la Londres de Dickens, en fait, et ouais, c'est ça, projeté c'est dans le passé. C'est un peu l'accumulation aussi de tropes assez différentes qui pourraient fonctionner, mais qui est un peu trop tongue-in-cheek pour qu'on soit vendu. Il y a un peu trop d'historicisation, typiquement, bah, c'est Londinium, il y a le côté les ruines romaines, voilà. Ouais, ouais. Et d'un côté, ils te mettent un truc très chevalier du Moyen-Âge, du bas Moyen-Âge avec Uther, et un côté très celte avec les mages, le peuple mage construit, tout ça. Et à côté de ça, bah, ça fait un peu trop disjoint pour que ça marche. Bon, la légende arthurienne, c'est toujours un cauchemar anachronique. Si tu fous des chevaliers du 12e siècle dans l'Antiquité tardive, forcément, tu vas avoir un cauchemar. Oui, mais d'un côté, tu vois, tu pourrais avoir un truc un peu plus cohérent. Moi, ça me gêne pas, par exemple, des vikings, je m'en fiche. Ah non, les vikings, ça, voilà. Moi, je m'en fiche, du médiéval fantastique, ça va parfaitement. Par contre, qu'il y ait des barons anglais avec des pourpoints élisabéthains, voilà. Une scène qui... Bon, cette scène, elle est presque... On sait pas si elle s'est produite à cause de son montage aller-retour, si ça se trouve, elle est purement imaginaire. Mais les barons anglais avec leurs pourpoints qui ont l'air de sortir de Shakespeare in Love, moi, ça m'a complètement sorti du film. Là, voilà. C'est une question de registre, c'est pas vraiment... Ouais, c'est ça. Mais... C'est pas une question d'historiquement juste ou pas, ça colle pas. Ça, c'est le ton. Disons, un côté relativement vaguement médiéval, mais qui emprunte de, disons, du 13e siècle au 6e siècle, pourquoi pas. Je veux dire, bah, Kaamelott le faisait assez efficacement. Non, ça, Kaamelott, ils ont visuellement, Kaamelott, ça marche bien, même si c'est... Ils ont des armures du 14e, et puis il y a des Romains, enfin bon... Ouais, 14e, 15e, hein, ouais. Carrément. Et pourtant, il y a des Romains, il y a des... Mais ça se mélange encore assez bien, d'autant plus que sur la fin, sur les dernières saisons, Kaamelott, il y avait de plus en plus l'abandon de ces gros trucs, mais... Enfin, disons, ils font un truc qui a l'air vaguement crédible, alors que là, entre les jambes noires, les black legs, les culottes noires, je crois, les culottes noires de qui sont des espèces de SS, qui font des pseudo saluts nazis, qui ont des armures en cuir, qui ont l'air de sortir d'un LARP elfe noir. Un de mes gros pet peeves, en fait, c'est ce que j'avais déjà remarqué dans la série Kaamelott de Starz, c'est que Joseph Fiennes, je crois, qui est dedans, il est tout le temps un espèce de blouson noir carré avec une chemise blanche. Il a l'air de sortir d'H&M, en fait. Et là, il y a Vortigern qui a exactement le même problème. En fait, Jude Law, il a une espèce de blouson noir et puis une chemise blanche. Charlie Hunnam qui joue Arthur, il y a des moments, on dirait une espèce de, on dirait qu'il a son espèce de veste d'aviateur, que ça, avec sa coupe de footballeur. Moi, ça me sort du truc, tu vois. Ça m'a pas posé le même problème, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire sur le fait que, les personnages principaux, ils ont l'air de sortir d'un... Non, c'est ça. Les meilleurs, j'ai l'impression que les acteurs les plus importants, on va pas leur donner un costume chiant. Du coup, on leur donne un truc qui est relativement pratique à porter, alors que les costumes en général sont pas si mal, hein, moi, j'ai trouvé. Non, bon, les armures des chevaliers noirs faisaient vraiment très, comme je t'ai dit, t'avais l'impression de sortir de Thor, de Dark World. Mais après, bon, voilà, c'est les méchants, pourquoi pas. Les soldats, la plupart, ça allait. C'est vraiment ce côté un peu trop mishmash, justement. À la limite, faire un truc anachronique, pourquoi pas, mais dans ce cas, maintient une certaine logique, quoi. Parce que tu vois Uther habillé, qui a vraiment... Uther, pour le coup, la scène avec Uther au début, ils ont vraiment l'air d'être dans... Là, c'était assez cohérent visuellement. T'avais l'air d'avoir un truc assez... de sortir d'Excalibur de Borman. Ouais. Et après, ils sont tous en habit, soit en gimp suits pseudo-moderne, ou en habit pseudo-archaïque, qui sort d'HM, comme tu dis. Ça fait un peu bizarre. Donc ça peut être... ça peut, si ça vous gêne, ben ce film est pas forcément pour vous, mais je pense que c'est un peu tout ce qu'on va réussir à dire sans entrer dans les détails de l'histoire, ouais, et des acteurs, etc. Donc si vous l'avez pas encore vu et que vous comptez le voir, allez le voir, sinon on va commencer à vous raconter ça un peu plus en détail, je crois. Voilà. King Arthur, Legend of the Sword, je pense que quelque chose qui peut être assez intéressant de parler, c'est de la production du film, parce qu'il y a certainement des manquements ou des failles du film qui viennent de problèmes dans sa production. Et ça, c'est assez clair, ouais, la structure. Mais même, simplement, on parlait avant du costume, du design du film, qui est, architecturalement, les décors sont pas mal, mais les espèces d'incohérences, t'as l'impression parfois que c'est vraiment du refait à la va-vite pour attraper un retard de production ou... Non, c'est possible. Après, on peut pas le juger indépendamment. On doit le juger le film comme il est, mais c'est clair que ça peut être intéressant de voir d'où ça vient. Donc, ce film, ça fait un moment qu'on en parle, en fait. Les premières rumeurs sont sorties en 2010-2011. Pourquoi? Disons, Warner Bros. Avait une série de films dont vous avez peut-être entendu parler, qui était adaptée d'une série de romans assez sympa, qui s'appelait Harry Potter. Et ça a fait énormément de cash. Enfin, c'est une des franchises, si ce n'est la franchise qui a fait le plus de thunes au cinéma, et ils voulaient enchaîner, disons, le dernier film. Ils avaient aussi Le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, non? Ils distribuaient Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ils ont distribué Le Hobbit aussi. Et, disons, en 2010-2011, ils coupent le dernier film Harry Potter en deux, mais la dernière partie est quand même sortie en 2011, et ils commencent à se dire, bon, il faut qu'on enchaîne. Il y a eu les films du Hobbit, qui ont un peu le même créneau médiéval fantastique, mais ils se posaient la question, ce créneau fantastique gros budget, il faut qu'on l'occupe. Et donc, il y a plusieurs projets qui viennent, et un des projets qui commencent à être discutés, c'est des projets sur la légende arthurienne, justement. Parce qu'on peut ça faisait 10 ans, en gros, ça commence à faire 8-10 ans que le dernier gros l'ère des derniers grands péplums, c'était 2004-2005, par là. On avait aussi vu 3 d'ailleurs à l'époque. Disons, la dernière génération, c'était des trucs très romanisés, péplum, antiquité tardive. Donc on avait eu le King Arthur de 2004, en 2004, The Last Legion aussi, dans ces eaux-là. 2006-2007, le truc avec Ben Kingsley, et puis. Qui est un peu ridicule aussi. Et justement, en 2010-2011, ils commencent à évoquer des projets autour de Warner Bros. Un d'entre eux, c'était un remake d'Excalibur de Borman, qui est sorti en 81, donc ça aurait été une possibilité. Il y avait un projet par David Dobkin qui a fait Wedding Crashers, je sais pas pourquoi ils ont pensé à lui. Au final, il a écrit une partie de ce film, donc il est resté dans leur petit papier. Et un projet par Guy Ritchie. Donc pendant un moment, on croit que celui de Dobkin va se concrétiser, je sais pas pourquoi vraiment, parce que ce mec a pas vraiment le CV qu'on s'attendrait derrière, mais tous les projets tombent à l'eau. Bon, après, Guy Ritchie, il reste dans leur petit papier, il a fait des bons films Sherlock Holmes en 2009 et 2011, donc il semble, on commence à reparler un peu de son film arthurien. Il y a diverses rumeurs de temps à autre, mais jamais rien d'appuyé. Jusqu'en 2014, début 2014, on a des infos plus précises. Alors, ce serait une série de 6 films, peut-être plus, c'est un peu inconstant, comme un peu incohérent comme on en parle, mais en tout cas une série de films, dont le premier se nommerait Knights of the Round Table King Arthur. Idris Elba jouerait Bedivere, il aurait une figure de mentor vis-à-vis du roi Arthur, c'est ce qui sort d'abord. Et finalement, aucune de ces rumeurs ne sera vraie. Donc déjà, la série de films est compromise, parce que là, ils ont fait beaucoup moins d'argent que ce qu'ils auraient voulu. Idris Elba ne jouera pas Bedivere, finalement le rôle ira à Jimon Hounsou. Mais il y a quand même Bedivere dedans. Il y a quand même Bedivere dedans, et puis effectivement, on voit que bon, ils avaient peut-être pensé à Idris Elba, finalement ils se sont dit, il nous faut un autre type noir, et puis on va prendre Jimon Hounsou. Et puis il y avait aussi Elizabeth Olsen qui devait jouer Guenièvre, je crois, elle a plus ou moins été remplacée par... Astrid Bergès Frisbee, oui. Qui avait joué la sirène dans Pirates des Caraïbes, non? Oui. tu me rappelles des mauvais souvenirs. Oui, non, mais oui, il y avait, disons, l'idée, ça semblait, sur le papier, ça sonnait assez comme une espèce de réinterprétation, mais plutôt un peu... Tu vois, tu mets Guy Ritchie, tu dis ouais, ça va être un peu funky, ça va être un peu un peu peut-être gallois comme genre de truc. Bah tu vois, tu mets Bedivere dans un rôle assez important, ça me fait penser, tu vois, tout de suite à Colore Olwen, à des trucs un peu voilà. Si ça va être un terrain un peu différent. On avait eu le terrain romain avec King Arthur les deux derniers King Arthur et puis Last Legion. On a eu déjà le médiéval fantastique classique avec Borman. Bah pourquoi pas un truc gallois. Pré-conquête normande. Non, c'est ça, ça aurait pu être intéressant. Et moi, franchement, j'étais vraiment hypé au départ. J'étais vraiment pareil. Très enthousiasmé par ce film. Comme il y a Marissou qui écrivait justement, Warner Bros. Pourrait avoir une approche Avengers, c'est-à-dire donner à différentes figures arthuriennes leur grand film qui les présente, puis ensuite un film Avengers ou un film qui réunit tout le monde dans une aventure ensemble. Donc c'était une idée, peut-être qu'on allait voir un film sur Merlin, sur Uther, sur Lancelot, sur ses figures, et puis après peut-être un film Quête du Graal ou quelque chose qui conclurait. Aurait été un format qui aurait bien marché. Moi je pense que c'est un format qui aurait très bien marché pour la légende arthurienne. Je me suis dit ce serait intéressant parce que je trouve que ça marche toujours mieux en série que dans un film de 1h32. Puis tu aurais moyen de faire différents personnages, différents un peu sous-univers comme ça, sans avoir besoin d'avoir un cast immense dans chaque film, tu vois, tu mets Arthur et puis Guenièvre au début de chaque film, puis après le reste c'est un jeu à différents chevaliers. Non, ça aurait été un format très intéressant qui aurait permis d'avoir plusieurs genres, un peu comme dans justement les films Marvel, tu vas avoir des films Avengers, tu vas avoir un truc Iron Man, il y a les films de Thor qui vont se situer dans un niveau un peu différent, Doctor Strange qui est un niveau un peu différent, on aurait pu avoir, là on pourrait même avoir encore ça, il pourrait dire, bon bah le prochain film on le fait sur Merlin, et on vous parle du monde magique, de la hiérarchie des mages, de la civilisation des mages. Il pourrait encore faire ça avec ce film, je pense. D'ailleurs, peut-être c'était encore ce qu'ils avaient en tête. Hein. Bon, après, je pense que s'il y avait une suite, ça aurait été une suite assez directe, parce que la façon dont ils introduisaient, ça aurait été chaque fois on ajoute quelques chevaliers, et puis voilà, ça aurait été à la Transformers, ou plutôt qu'à la Avengers, justement, où ils ont chaque fois fait des films. Alors pour le coup, effectivement, il y a un film Merlin plutôt magique, ou Celt, tu aurais pu faire un film Tristan et Iseult, basé sur la romance, ou sur le côté romantique, tu aurais pu faire un film, je sais pas moi, dans un genre un peu plus comédique, avec un Perceval. Ils auraient pu avoir, disons, un univers étendu arthurien dans lequel ils pourraient faire se dérouler plusieurs films. Ça aurait été très intéressant. Et je pense que c'est finalement la forme dans laquelle la plupart de ces livres existent, quoi. Les textes dont on vous parle ici, généralement, c'est dans un monde un peu comme ça littéraire qu'ils existent. Donc ça, c'était les problèmes de production. Plus proche de nous, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été un peu démenties. Typiquement, tu l'as dit, Astrid Bergès Frisbee qui était censée être Guenièvre. Bon, ça a été changé assez tard dans le film, apparemment. J'ai l'impression d'ailleurs, à plusieurs endroits, il l'appelle toujours Mage dans le film. Elle s'appelle The Mage, donc elle est la présentante. Il l'appelle la mage. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moments où c'est dit juste alors qu'elle est à l'écran et on voit pas la personne qui le dit. J'ai l'impression que c'est des lignes qui ont été redoublées après, en fait. Tu penses, mais c'est fort possible parce qu'il y a en partie, pas toutes, je pense, mais une partie qui a dû être, ça a dû être changé vraiment au cours du film. D'ailleurs, j'avais une théorie sur ça parce qu'il y avait justement un espèce de début de plot amoureux entre Arthur et elle. Oui, alors à la base, devait y avoir un pseudo début d'amour où il flirte un peu avec elle et puis après, il y a plus rien. Tant mieux parce que ça aurait pas été très original. Déjà, c'est leur seul personnage féminin qui fait quelque chose. Mais finalement, ils ont enlevé ça et du coup, j'avais une théorie sur ce qu'ils allaient faire et finalement, ils en ont rien fait. Donc, ouais, à la base, je pense qu'ils devaient. Ils se sont dit, ça marche pas bien. Le film est déjà assez rempli. Ou alors, c'est pas le profil du type qui. Effectivement, c'est pas un film d'action assez contemporain, assez classique où le guy gets the girl. Les films de Guy Ritchie, c'est un peu souvent un peu plus bande de potes, ça aurait peut-être interféré avec la dynamique, je sais pas. En tout cas, peut-être ça serait intéressant de faire le film un peu dans l'ordre, du coup, pour exposer un peu, pour ceux, les gens qui l'ont pas vu, qui ont pas envie de le voir, et pour exposer petit à petit ce qu'on en a pensé. On peut regarder un peu dans l'histoire linéairement. Ah, parce que ça commence, du coup, avec un côté très, on a eu cette guerre entre ce Mordred, qui est le chef, qui est un type qui a pris le contrôle d'une armée de mages, donc un mage noir, des mages, alors pseudo-celtes, enfin ils ont un côté très celte, folk, ils sont celto, très celto-germanique avec le celto-chamanique, wiccan, un très peu, folkish hein. Comme ça, voilà, folkish. La scène du début, je trouve qu'elle est assez habile, c'est-à-dire qu'on voit cette tour et puis il y a une petite narration textuelle qui nous dit voilà, Mordred a pris le contrôle de l'armée des mages et la dernière forteresse qui lui résiste c'est Camelot et il est en train de faire un assaut avec des éléphants géants. Donc ces éléphants géants que vous voyez dans le trailer, vous attendez 30 secondes et ils sont dans le film. Donc et puis en plus ils sont voilà, c'est le côté c'est des monstres, ça a l'air d'être des monstres invoqués quoi, oui, ça a pas l'air d'être des il a pas l'air d'avoir un élevage d'éléphants géants. Donc ça marche, pour le coup, ça marche assez bien parce que c'est un côté assez dantesque, tu comprends assez facilement les enjeux. Personnellement, je trouve bien que justement, c'est une des qualités de ce film, ils introduisent pas tout, ils s'emmerdent pas à tout nous expliquer pendant 20 minutes ou à nous faire des prologues. On commence vraiment au milieu de cette guerre entre Mordred et Uther, où il attaque le château, beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de la bataille commence vraiment dans les premières minutes. Donc moi, personnellement, ça m'a accroché et je préfère justement qu'ils mettent ça au début, plutôt que de l'avoir à 15 minutes de la fin, comme dans tous les films. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de grosse bataille autrement. Il y a un duel à la fin, mais... Ça reste beaucoup plus restreint, là, pour le coup. Bon, ça fait assez sens, hein, c'est le côté origin story. Et pour le coup, là, l'idée d'avoir Vortigern, justement, qui est le frère de Uther, je trouve que c'est une bonne idée. Ça économise. Ça économise beaucoup. Moi, j'aime pas... Ça enlève un peu son personnage, parce que, justement, Vortigern, c'est censé être un outsider, c'est censé être un usurpateur et un tyran, et donc c'est clair que si... Bon, un usurpateur, là, ça marche, hein. Oui, mais sauf que si c'est le frère d'Uther, c'est pas la même chose que c'est un tyran dont on sait pas trop d'où il vient, et puis qui s'est allié avec les Saxons, etc. Ce qui est intéressant, c'est que des figures comme Vortigern, par exemple, tu peux les lire un peu si tu regardes la littérature médiévale comme des figures qui existent, qui ont vraiment existé, les contes du Wessex pendant les règnes des derniers rois anglais, notamment au règne d'Athelred, c'est qui prennent le pouvoir et qui combattent notamment contre Knut par exemple, c'est des figures un peu à la Vortigern aussi. Donc ça, c'est assez intéressant dans le contexte. Là, pour le coup, je pense pas que c'était indispensable. Après, c'est vrai que le côté Vortigern, on va le voir, mais ça donne un côté un peu peut-être cliché justement à l'histoire qui est. Après, il y a une espèce de confidence bizarre. En fait, c'est censé se passer plus ou moins dans une Angleterre post-romaine. Hein. Ça semble être... Il y a une architecture romaine. Voilà, en ruine. Voilà. Mais alors bon, l'image, ils ont l'image très très chevalier 12e, 13e, 14e siècle. Pourquoi pas c'est de toute façon anachronique à l'époque où c'est rédigé. Hein. Ils parlent de mettre Gauvin dans des harnais de chevalier du 14e. Oui, c'est 14e, c'est normal. Par contre, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que ils en parlent. Il se réfère à tous les gens du peuple d'Arthur comme des Anglais. Ouais. Il dit clairement, je suis anglais. Toute l'Angleterre, je suis. Ils parlent de l'Angleterre, ils parlent anglais, ils ont des noms très anglais d'ailleurs. Et les ennemis semblent peut-être des pseudo-bretons. Donc ça m'amuse un petit peu quand même. Enfin, soit tu peux les lire, les images, soit tu les lis comme des Germains. Ouais. Mais ils ont quand même un look qui est très très breton. Ouais. C'est un peu ce qu'on avait dans le King Arthur Pict. De 2004, où t'avais justement les Pictes, où Merlin et Guenièvre, c'était des Pictes qui avaient un peu aucun sens. Bah là, c'est pareil. Hein. Non, c'est un peu pareil. Il semble être justement codé comme ce genre de Pictes, voilà. Et alors, bon, je comprends l'intérêt de pas renforcer avec le truc, tu mets pas les Anglais, les Bretons, les Saxons, tout ça. Tu veux dire une histoire un peu bizarre, effectivement, mais même les textes arthuriens assez tardifs ont quand même une distinction entre Saxons et puis anglais, quoi, en général. Bah là, il y a un décalage, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de Bretons et que les Anglais sont déjà germanisés, ceux qui prennent le rôle de Saxons, c'est les Vikings. Donc c'est eux les ennemis germaniques extérieurs, qui sont plus germaniques que voilà. Ou alors, on peut concevoir que c'est vraiment un texte qui se veut être mishmash, bah, voilà, à la Tennyson. Et là, on a le peuple germanique et le peuple anglais transcendant. Qui est pas... Ouais. Bah, après tout, comme le dit Larman à la fin, Arthur, il vient pour aider les Anglais maintenant, parce que les Anglais, c'est ce qu'on comprend comme... C'est un côté très mais c'est un côté très justement Guy Ritchie qui veut faire son petit délire anglais. Il y a clairement une volonté de faire. Bon, là on est reparti sur de l'analyse, mais c'est clairement une espèce de mythe d'origine de l'Angleterre, si on veut. Genre, on a un narratif sur je vais devenir un gentil roi anglais du peuple. Il y a clairement cette volonté Ah oui, c'est ça, c'est une volonté de jouer. Alors, c'est intéressant dans le contexte britannique parce que l'Angleterre, encore aujourd'hui, t'as comme une reine, t'as comme une noblesse qui a un pouvoir, qui n'est peut-être pas un pouvoir politique formel, mais qui est quand même un pouvoir politique réel économique réel, même si effectivement être compte de machin, t'as plus de pouvoir, mais enfin t'as quand même une quantité de pognon, t'as quand même des amis au club conservateur de ton quartier, donc t'es pas non plus, il y a quand même cette dynamique qui joue aussi. Et faire d'Arthur justement un personnage qui parle avec un accent mockney, ouais, qui est justement ce personnage un peu élevé dans un bordel, sur un pont, dans oh, mate, oh, mate, voilà, oh, et, avec sa crew, avec son délire un peu voilà, street smart. C'est intéressant, disons, c'est un renversement qui est ouais, qui a du sens, et ça pour le coup ça me pose absolument pas de problème. Non, mais l'histoire d'origine c'est rigolo parce que le côté du Arthur qui est en fait abandonné, élevé dans un bordel, ouais, enfin élevé pas par son père, c'est finalement pas un truc qui est très très, qui arrive pas très tôt dans la légende arthurienne. C'est quelque chose qui arrive avec Robert de Boron plus ou moins, mais même là il est élevé par Merlin. Bon, après il y a les interprétations différentes. Camelot le fait élever à Rome, l'envoie à Rome, ouais, mais il y a quand même une notion qu'il n'est pas disparu, quoi. Alors que là ça traite vraiment de cette histoire comme, ça me fait penser justement à ces romances médiévales pas du tout arthuriennes, mais qui ont probablement conduit à avoir cette position d'Arthur élevée à l'extérieur. C'est ces romances comme Kinghorn par exemple, ou Havelock, qui sont des trucs où typiquement des histoires à la Blanche-Neige un peu, ou à la Moïse en fait. Ouais, une histoire à la Moïse, c'est probablement l'inspiration ultime de ces histoires, où tu as le héros de l'histoire qui est épargné ou qui est sauvé d'un massacre généralement commis par un membre de sa famille ou une membre de la noblesse de son pays, mm-hmm, qui se retrouve expédié ailleurs, qui doit faire conquérir son nouveau pays, et qui revient après pour libérer son... Qui revient pour libérer le... Voilà, ça, pour le coup, c'est une structure qui est assez médiévale, assez commune, mais qui n'est généralement pas si arthurienne que ça. En général, Arthur, même s'il est élevé par quelqu'un d'autre, que ce soit par Hector ou Antor, ou enfin n'importe, ouais, quel chevalier avec Kay, ou même en dehors de sa famille, en général, quand il revient, c'est pour... C'est pas une vengeance, il revient, voilà, pas... Voilà, il revient, et alors éventuellement, il y a un ennemi qui est là, mais c'est pas détrôner quelqu'un qui est... En général, Vortigern est déjà mort quand Arthur revient. C'est ça, mais généralement, c'est plutôt la storyline, si on regarde chez Jeffrey, c'est la storyline de Uther, en fait. C'est Uther qui est détrôné et qui doit revenir. Voilà, c'est ça. C'est les fils de Constantin qui doivent revenir. Là, au contraire, c'est pas ça du tout. On a Vortigern qui est usurpateur, mais Uther, c'est un bon roi. Alors que, ben, généralement, quand vous regardez les interprétations modernes d'Arthur, vous avez Uther qui est plutôt un roi brutal ou vindicatif, oui, ou qui est en tout cas un roi pêcheur. Rien que pour comment est-ce qu'il conçoit Arthur chez Geoffrey, le fait qu'il utilise de subterfuges et d'une conception... C'est ça, je sais que ça m'a fait remarquer ma copine, c'est que Uther était un peu whitewashé là-dedans. Ouais, non, Uther, c'est un gentil roi, alors que si tu prends Merlin de la BBC, ou en fait, la plupart des interprétations modernes auxquelles je peux penser, Uther, au contraire, c'est un roi barbare et brut, par opposition à Arthur, qui est le bon roi. Même dans Excalibur de Borman, il n'a pas forcément... Non, il a pas de qualité rédemptrice dans Excalibur de Borman. Ouais, c'est ça. Il est orgueilleux et il hérite d'Excalibur parce qu'il est le meilleur, mais finalement il est puni, quoi. Il y a une espèce de retour karmique sur lui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que aussi la suppression des Saxons, des Germains, enfin du peuple germanique, avec Vortigern, fait de Vortigern finalement un personnage beaucoup moins intéressant, je trouve, parce que Vortigern qui est le traître, ou qui est le voilà, il est plus ou moins remplacé par les Saxons, justement sont remplacés par ce peuple de mages qui sert un peu de peuple universel. Bon, remarque, c'est peut-être intéressant de ne pas mettre un truc entre les pseudo-britanniques et les pseudo-germains à l'ère du Brexit. Ouais. mais c'est vrai que l'alliance entre Mordred et Vortigern joue un peu ce rôle d'alliance entre Vortigern et Hengest et Horsa. Ouais, il y a une alliance avec un ennemi, mais sauf que il n'y a pas cette idée d'ennemi extérieur. Il n'y a pas une idée de je m'allie avec des étrangers, c'est je m'allie avec un autre traître dans ce peuple, et puis on va... Voilà, c'est ça, il y a un côté un peu différent. Donc, il n'y a pas l'histoire de Rowena aussi, et alors, peut-être c'est aussi un sac intéressant. On est toujours sur l'invasion du début. Uther parvient à vaincre Mordred, à tuer Mordred et tout, mais malgré ça, il obtient le fait de ne pas avoir de vengeance contre les mages. Les mages semblent fuir. Au début, je crois qu'ils exécutaient les mages en fait dans cette ils scène. Ils n'exécutaient pas les mages en fait. Ils exécutaient pas les mages. La scène avec les arcs et les bûchers, ils mettaient feu aux bûchers des soldats morts. Ouais. Après. Vortigern prend le contrôle, commence à purger les mages, et il décide finalement de prendre le pouvoir. Et pour ça, ce qui est intéressant, il déclenche une rébellion. Et au moment où elle déclenche la rébellion, Uther et Igern, qui d'ailleurs n'a pas de nom dans le film, l'appelle juste Woman. Non, elle a littéralement pas de nom. Elle est là pour mourir. La mère d'Arthur est là pour crever. La femme et la fille de Vortigern sont là pour être sacrifiées. À part The Mage, toutes les meufs dans ce film sont là explicitement pour mourir. Les prostituées, il y en a une qui est égorgée. Il y a une prostituée. La mère d'Arthur, la mère adoptive d'Arthur, celle avec qui il semble avoir le plus d'affection, elle meurt comme exemple pour le pousser. Les autres, après, on les revoit plus, d'ailleurs. Il y a la gouvernante... Elles sont sauvées à la fin. Il y a la gouvernante de Vortigern qui est vaguement... qui a un rôle un peu de duplicité, de d'aider la résistance. Mais il la tue pas. Je pensais qu'elle disparaît du film. Non, à la fin, elle est récupérée par Bediver. Il a impliqué qu'il a une histoire avec Bediver qui a l'air de bien l'aimer. Elle s'appelle Maggie, d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Mais bref, donc ils arrivent à gentiment. D'ailleurs, il y a aussi le côté très Moïse ou Thrall ou je ne sais pas. Ils vont vers le port. Il veut mettre sa femme et son fils dans un bateau Uther. Et là, il y a Vortigern sacrifie justement sa femme qui est jouée par Cathy McGrath d'ailleurs. Bon, ça on ne sait pas encore. Je pense on peut dire les choses chronologiquement, c'est-à-dire que d'abord on voit. D'ailleurs, je trouve le film joue plutôt bien sur cet élément fantastique. Ah, ben ouais, du coup, j'ai trouvé que c'était un peu plan-plan en fait. C'est Vortigern en fait. On voit qu'il déclenche une rébellion. Il amène sa femme dans une espèce de cave sous le château. C'est pas ce qu'il fait. Sous la tour qu'il a fait construire. Alors, l'idée de la tour qu'il construit Vortigern, ça c'est un élément assez récurrent de la légende arthurienne, justement. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait des dragons dessous, quelque chose comme chez Geoffrey et tout, mais en fait, non, c'est une tour. Il y a trois sirènes. Il y a trois espèces de sirènes un peu façon Ursula dans La Petite Sirène avec des tentacules et qui sont une espèce de masse de tentacules qui apparemment peuvent exaucer des vœux maléfiques s'ils sacrifient quelqu'un qu'il aime. Mais ça, on le sait pas immédiatement. C'est-à-dire que quand on voit la scène d'ouverture, il va dans la cave, il tue sa femme et il commence à sonner une cloche. Et donc moi, ma première réaction, c'est ok, bah il est en train de donner un signal d'alarme pour la rébellion qu'il est en train de conduire. Et on voit pas immédiatement la sirène. Et c'est que quand il revient après qu'on comprend ah en fait c'est ça qu'il est venu faire la première fois. Ah oui, alors évidemment, mais après donc il a des... on voit juste après ça, on voit justement Uther qui fuit dans les qui docks. Fuit, qui met son fils dans un bateau avec sa femme, il y a une espèce de créature maléfique qui arrive avec une cape de flamme et des cornes et un masque qui d'ailleurs m'a fait penser au masque du Vortigern de The Last Legion. Oui, il y a un peu de ça aussi. Un masque de tête de mort qui tue la mère d'Arthur et qui commence un duel contre Uther qui a Excalibur. Uther est tué, de ce qu'on comprend, et... On voit Arthur partir s'échapper. Arthur dérive le long de la rivière en un bateau, et il est trouvé à Londinium par des prostituées. Voilà. Ensuite de ça, il y a un training montage de son enfance, donc ça, j'aime bien qu'il soit assez visuel comme film, il nous raconte pas sa vie, il n'y a pas trop de dialogue. On voit justement le training montage, il se fait taper dessus, il essaie de gagner de la thune, il parie de l'argent, etc. Il grandit dans ce bordel, et il devient de plus en plus balèze, il se tape les pectoraux. Ta compagne a décrit le film comme étant man pain, et c'est vrai que c'est vraiment de la mise en scène de la douleur masculine, où il a, je suis pas assez fort. Il participe à une espèce de dojo de Kung Fu George, qui est joué par Tom Wu, donc qui est un artiste martial assez doué, qui est un peu sous-exploité dans ce film, mais voilà, il y a un mec, un George qui est apparemment chinois, qui a une espèce de dojo dans une espèce de cour de villa romaine, et il apprend un peu à se battre là-bas, il devient une espèce de palestre. Ouais. Et il devient un caïd des rues et un mac et un caïd des rues et un petit chef de quartier qui impose des taxes sur les transitions qui passent. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'épée va ressortir. Donc on voit l'eau qui descend et qui révèle l'épée. Ça, je trouve assez intéressant comme mise en scène, parce que si tu lis Robert de Boron, je crois que l'idée de Robert de Boron, c'est qu'il y a l'enclume avec l'épée qui apparaît. Puis du coup, on a l'épée, on ne sait pas d'où elle vient. Si tu regardes Excalibur de Borman, l'épée, elle est plantée par Uther quand il meurt. C'est-à-dire, Uther, il dit littéralement, je veux pas que quelqu'un s'empare de l'épée, il la plante dans le rocher, et elle reste coincée là. Mmh. Et donc on explique comment l'épée vient, ce qui est intéressant parce que dans les livres généralement ils s'en foutent, hein, elle est juste là. Et là, la solution qu'ils ont trouvée, je la trouve à la fois débile et géniale. J'aime bien pour le coup l'épée. Je l'aime bien, mais elle est grotesque, franchement. Ça, c'est assez moche quand ça se fait. Ça aurait été mieux que. C'est à la limite. Ils n'expliquent pas comment ça s'est arrivé, puis qu'ils nous disent voilà ça qui est arrivé au final. En gros, on l'apprend après dans le film, mais on peut le résumer. En fait, ça, il le montre. Alors, ça que je trouve bien, c'est qu'il montre... En fait, Arthur a des flashbacks, des rêves du combat de son père contre cette espèce d'être maléfique qui a une double faux et qui se bat contre lui avec Excalibur. Il a des mauvais rêves de quand il a vu son père mourir. Mais on voit pas la scène en entier avant un moment. Et il va avoir plusieurs flashbacks où on voit de plus en plus de la scène. En fait, c'est que quand il comprend la scène et qu'il voit la scène en entier, en fait, en gros, quand il arrive à se réconcilier avec la mort de son père... Ouais. Par là, qui parviendra à contrôler l'épée. Parce que, bon, il semblerait qu'après, l'épée commence à se retirer depuis un moment parce que les gardes noirs de Londres font remarquer que, Arthur, il y a des barges des branding boats ou bien tout ça. Et en fait, Vortigern a cru comprendre de la part de ces sirènes qu'il y a quelqu'un qui pourrait le détrôner, qui pourrait pas contrôler l'épée, qui avait été perdu, justement, quand Uther était mort. Et on comprend que l'épée était tombée dans l'eau. Dans l'eau là où il y avait le bateau, et qu'une fois que l'eau a commencé à se révéler, il y a quelqu'un qui peut récupérer cette épée. Et Vortigern comprend bien qu'il s'agit de son neveu. Et donc, ce qu'il essaie de faire, c'est le côté assez assez classique, c'est le genre de légende, c'est de faire essayer à tous les jeunes hommes qui ont à peu près l'âge, à peu près l'âge requis, à les saisir, à les faire remonter dans des bateaux jusqu'à son château, à les faire essayer, à leur faire essayer de retirer l'épée. S'ils réussissent pas, bah évidemment la plupart des gens réussissent pas, ils se font personne ne réussit, ils se font marquer au fer rouge, ils reçoivent un verre de vin ou d'alcool, je crois, pour les remercier pour leur paiement quoi. Et ils sont soit renvoyés en bas, et puis il y a une partie qui est gardée comme esclave, ou des enfants qui sont aussi capturés comme esclaves pour servir à la construction de la tour de Vortigern. Et Arthur est récupéré comme ça dans une affaire parce que le lien a été fait, on comprend qui il est, Vortigern comprend qui ce type est, enfin il a entendu parler de lui. En fait, le lien est fait parce qu'il a coupé la barbe d'un viking qui avait été brutal avec justement sa mère adoptive. Et puis les vikings, ils sont liés à Vortigern, qui devait leur donner un tribut de 10 000 gamins à élever pour en faire des soldats. Et du coup, ils sont allés se plaindre, Vortigern a compris qui ce type était, il a donné ses gardes d'aller le chercher. Mais Arthur a réussi à s'échapper, sauf qu'il a été pris par erreur par des soldats qui pensaient juste qu'il avait juste pas été testé. Il l'envoie retirer l'épée. Il réussit à retirer l'épée. Et il est capturé, il est maintenu, il est retenu. Et ensuite, Vortigern veut mettre en scène son exécution parce qu'il y a une espèce de légende qui se met sur le Born King, donc le roi légitime, où les gens ont une espèce d'attente messianique où ils font des graffitis et ils disent le roi légitime va venir, etc. Je trouve ça intéressant d'avoir la légende de l'avènement du roi, mais à l'envers, c'est-à-dire avant qu'Arthur ait disparu. Et du coup, Vortigern a des fins de propagande, il veut mettre en scène l'exécution d'Arthur où il dit on va prendre l'épée, on va te faire venir avec l'épée devant tout le monde et je vais te couper la tête. Et il dit, t'as intérêt de te comporter comme il faut, sinon but tes amis prostituées. Ils en tuent une pour l'exemple. C'est à peu près ce qui se passe, mais il y a justement la résistance, les mages, il y a eu une mage qui apparemment peut contrôler les animaux, qui envoie un faucon perturber le donc elle peut apparemment entrer dans les animaux et les contrôler. Comme Mémé sur du temps, ou les je sais plus comment ils s'appellent dans Game of Thrones, enfin un pouvoir assez basique. Oui. Le faucon embête le bourreau, il y a la résistance qui vient le sortir de là et il s'enfuit avec l'épée, il y en a deux, trois qui meurent. Il est amené au QG de la résistance et après ils lui disent il faut que tu aies ton moment de combat initiatique pour que tu comprennes qui tu es. On peut s'arrêter un instant, je trouve assez intéressant en fait le fait qu'ils arrivent à communiquer de l'information sans forcer, en revenant sur des choses et en les remontrant. Typiquement la tour, on a vu le film ouvre sur une tour avec quelqu'un qui dit des paroles bizarres, puis il y a du feu qui explose au haut de la tour, ça coupe au noir et on comprend il s'est passé quelque chose. Et du coup quand on voit que Vortigern construit une tour, on se dit il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quand on voit que, justement, Arthur, il l'envoie dans les Darklands, donc ils lui disent, il y a une espèce d'endroit un peu magique où tu dois aller pour voir que tu puisses contrôler l'épée, il faut que tu vives cette vision que t'as de la mort de ton père, on va t'envoyer dans les Darklands, il y va, et il voit la tour qu'on a vue au début, alors qu'elle est en ruine, et il comprend, c'est la même tour que Vortigern a fait. Et on comprend, en fait, c'est la tour qui donnait son pouvoir à Mordred, c'était une tour sacrée des mages, apparemment, qu'il a usurpée. Voilà. Et c'est là que, on l'apprend après que Merlin, parce qu'il y a bien Merlin dans ce film, Alors, je trouve marrant parce que j'ai lu pour l'instant 4 ou 5 critiques de gens qui disent, il n'y a pas Merlin dans ce film. Merlin est mentionné 20 fois et il y a 3 secondes où on voit Merlin fabriquer Excalibur. Il a pris, justement. Le bâton du roi des mages, qui n'est pas Mordred, Le roi des mages, c'est pas Mordred. C'est Bédivère qui le dit, donc il y a une minute qui est très traditionnel, il y a Bédivère qui raconte, puis on voit des flashbacks, donc là c'est raconté de façon assez linéaire. Après qu'Arthur ait eu sa vision où il a pu voir la mort de son père, on va y revenir. Et Arthur il comprend, c'est cette tour que Vortigern fait qui lui donne son pouvoir. C'était la tour des mages, apparemment elle préexistait à Mordred, et puis Mordred a usurpé le bâton du roi des mages et la tour pour convoquer ses éléphants géants. Merlin a revolé le bâton du roi des mages, et il a forgé ce bâton, donc on sait pas en quelle matière il est, mais il l'a forgé en Excalibur, du moins c'est clairement impliqué par la mise en scène, et avec Excalibur, il a détruit la tour et il a donné l'épée à Uther, qui ensuite a tué Mordred. Non, il a donné l'épée à la Dame du Lac, qui l'a donnée à Uther. La Dame du Lac, qui l'a liée à la lignée, à la bloodline, la lignée de sang, Pendragon. Alors je pense qu'il devait y avoir un truc intéressant avec la Dame du Lac et les sirènes, parce que c'est un peu l'écho des. Les sirènes sont un peu l'écho de la Dame du Lac. Et je pense que ça, c'était le genre de truc qui faisait beaucoup plus partie du film avant et qui a été sévèrement coupé parce que ça a l'air d'être sous-développé. Alors c'est assez intéressant comme c'est présenté. J'aime bien le ton avec lequel c'était présenté pour le coup. Mais c'est vrai que c'est sous-développé. J'ai vu un critique qui a même appelé les sirènes qui exauçaient le vœu de Vortigern, il les appelait la Dame du Lac. Et je dis là, il a pas capté. Parce qu'en plus, c'est clairement un personnage différent. C'est un personnage différent. Mais c'est vrai qu'il y a une opportunité manquée. On a un personnage bénéfique qui vit dans l'eau. On a un personnage maléfique qui vit dans l'eau. Est-ce qu'il y a une rivalité entre les deux? Est-ce que c'est des êtres de même nature? On n'a pas du tout d'explication. Il y a une scène où Arthur, justement, Parce que ça, c'est après. Tout au fur et à mesure du film, en fait, Arthur, malgré sa quête de vision, il comprend un peu plus les choses. il réussit toujours pas à maîtriser Excalibur correctement, parce que chaque fois qu'il prend l'épée, il a des flashbacks encore plus douloureux de sa mort de son père. Et visiblement, il est pas en. Et il s'évanouit compris, parce en fait. Que c'est là que tu vois que c'est un film qui est censé remplacer Harry Potter, parce que j'ai trouvé ça très Harry Potter en fait. Le flashback qui te vide de ton énergie où tu t'effondres parce que tu. T'as vu la mort de tes parents. Parce que tu revois la mort de tes parents, ça c'est purement. Beaucoup de gens ont dit ah, ils veulent refaire Le Seigneur des Anneaux. Il y a effectivement des images qu'on retrouve, les éléphants géants, la tour qui s'effondre. Mais franchement, je trouve que ça c'est beaucoup plus Harry Potter. Bon, pour. Justement, oui, il y a la Dame du Lac qui est dans ce film. Il y a une scène où Arthur rejette l'épée dans l'eau parce qu'il y a un de ses potes qui est mort. Il jette l'épée dans l'eau, il court dans la forêt parce qu'il a de la douleur masculine, alors il court en criant dans la forêt. Et ils ont repris le topo, ce que je trouve assez cool, de la Dame du Lac qui est liée à toutes les étendues d'eau, qui est, que je trouve assez, à la fois flippant et cool. Et puis justement, il arrive dans une mare et il y a la Dame du Lac, il y a une main qui sort de la mare et qui l'entraîne dans la mare sous l'eau. Et puis la Dame du Lac lui dit basiquement tiens prends ton épée, elle lui montre une vision du futur, il faut que t'ailles sauver le monde. C'est clairement un truc, le thème récurrent du film. Alors pour ça on peut pas dire que le film a pas de thème, c'est que c'est vraiment Arthur doit accepter sa destinée, il doit venir, il doit se réconcilier avec l'idée de sa vie. En fait il a été séparé, c'est un peu conservateur comme point de vue, il est séparé de sa famille, de sa lignée, de sa destinée, et il doit accepter qu'il doit revenir à sa lignée primordiale. Oui, donc même vrai. En faisant d'Arthur un personnage qui est élevé à la rue, qui est élevé, hein, il a sa noblesse inhérente, son sang, qui doit par-dessus tout triompher et qui doit en faire le seul vrai roi et qui doit réussir à tout réconcilier. Quoi. Bah, c'est basiquement le roi lion, quoi. T'as le méchant. C'est très roi lion. C'est beaucoup plus roi lion Hamlet que. T'as le méchant que Arthur, pour moi. T'as le méchant oncle qui a pris le pouvoir et puis qui a tué. On découvre progressivement que en fait cette figure démoniaque c'était Vortigern avec ses pouvoirs et il a tué le gentil papa. Le fiston est exilé suite à ça et il revient pour devenir le roi légitime. Assez classique. Mais pour le coup, je trouve que c'est effectivement moins arthurien parce que Arthur. Alors après, il y a des thèmes arthuriens où Arthur est justement la légitimité d'Arthur. Ces histoires sont plus explorées peut-être après chez Mallory, mais dans beaucoup de légendes arthuriennes, finalement, c'est assez secondaire. Même chez Mallory, c'est pas si prominent que ça en fait. La question de la destinée d'Arthur, il y avait des débats. Même au Moyen Âge, est-ce qu'Arthur était bien légitime? Est-ce qu'Arthur avait le droit d'avoir cette destinée et tout quoi? Arthur, c'est aussi un mec qui forge son empire à la force de ses poignées, pas parce qu'il est le fils de machin, parce qu'il est vraiment le plus grand des rois. L'idée, c'est pas tellement revenir dans sa destinée et tout. C'est aussi ça tient peut-être au fait que le film présente pour le coup Uther comme un bon roi, alors que dans la plupart des légendes arthuriennes, justement Uther n'est pas si autant un bon roi que ça quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement à partir de là, le film devient beaucoup plus straightforward, et c'est à partir de là que j'ai trouvé que le film devenait plus chiant en fait. En fait, dans ce thème de justement Arthur, il revoit constamment la mort de son père, et c'est là qu'il y a quelque chose que je trouve génial et grotesque. Il voit la première fois il arrive justement à la tour que Mordred avait construit et il pose Excalibur sur l'autel. On comprend que c'est là qu'Excalibur a été forgé, donc probablement la magie est plus forte ou je sais pas quoi. Il voit le combat. Et apparemment, il détourne les yeux, il n'arrive pas à tout regarder jusqu'à la fin, mais on voit quand même que pendant le combat, Excalibur gicle dans les airs et elle retombe, elle se plante dans Uther. Donc Uther qui est à genoux. Uther se prend l'épée dans le dos et il est transformé en pierre et il tombe dans l'eau. Donc on voit qu'en fait, la pierre de l'épée dans laquelle l'épée était plantée, c'est le corps d'Uther changé en pierre. Et ça, je trouve, d'un côté, franchement, c'est la seule innovation de ce film, je pense. Non, mais j'attends l'idée. Ce motif-là, je le trouve très puissant et vraiment cool, mais la scène est grotesque et elle devient encore plus grotesque. Parce que là, il voit ça, et la façon dans laquelle elle vole dans les airs, elle se plante dans lui, est un peu ridicule. Mais après, on revoit encore une fois cette scène et on voit qu'en fait, c'est pas l'épée qui a giclé en l'air dans le combat, etc. C'est Uther qui l'a lancée en l'air pour qu'elle se plante dans lui. Genre, il a prévu que ça allait se passer. Là, ça devient ridicule. Moi, j'aurais bien aimé pour le coup que Vortigern réussisse à prendre l'épée, qu'il la plonge dans Uther, mais qu'après, il puisse plus la sortir. Il n'arrive plus à la récupérer. Ça aurait été très bien. Mais là, c'est ridicule. Ou alors même que Uther se suicide avec l'épée et puis qu'il est. Justement, pourquoi il se suicide quoi. Il est même pas. On voit même pas à quel point. Non, mais il avait été touché, il pouvait pas fuir. Ça me semble assez évident. Je sais pas, je trouve la scène est à moitié. Franchement, la scène visuellement marche pas terriblement, mais l'effet est. L'effet est pas mal et c'est un peu une innovation en tout cas. C'est un motif qui est original. C'est comme ça que l'épée tombe au fond du lac en fait. Parce que tombée en pierre, il casse le ponton et puis elle se retrouve au fond. Jusqu'à ce qu'elle se révèle. Moi, je trouve que ça marche, disons, en termes d'imagerie et poétique et tout, je trouve que ça marche très bien. La mise en scène est un peu ridicule. Deuxième problème que j'ai, c'est qu'on voit Vortigern qui demande du pouvoir, en fait, qu'il a demandé du pouvoir aux sirènes. Genre, apparemment, il devait sacrifier un être cher pour que ses désirs soient exaucés. On sait pas exactement ce qu'il a demandé, clairement, de prendre le pouvoir. Mais alors apparemment, ça l'a changé en cette espèce de monstre plein de flammes, super balèze. Bon, il en garde des pouvoirs, hein. Il peut balancer une boule de feu. Il peut balancer une boule de feu, puis apparemment la tour qu'il construit en imitant Mordred. Il y a plusieurs indices qui montrent que en fait Vortigern est un mage lui-même, qu'il a des affinités magiques. C'est-à-dire que quand Uther tue Mordred, on voit Vortigern qui saigne du nez, donc apparemment la décharge magique lui cause un trouble. Quand la mage envoie un faucon perturber le bourreau, Vortigern a une espèce de migraine voldemoresque, il se débat un peu. Et il y a, pendant le conseil d'Uther, quand il parle du fait que les mages sont purgés, il y a quelqu'un qui dit, mais est-ce que le prince Vortigern n'a pas été envoyé dans sa jeunesse étudier avec les mages? Et il dit, oui, j'ai été envoyé. Donc, en fait, ce fait que Vortigern est magicien est mis en scène assez bien, je trouve, en termes, enfin. Bon, c'est un peu bateau, quoi. Oui, c'est bateau, mais c'est mis en scène. Ce qui me pose problème quand il demande des pouvoirs, quand il demande quelque chose aux sirènes, qu'est-ce qu'il a obtenu? Parce que. Bah, ce pouvoir de se changer, je crois, en espèce de démon, ça a l'air d'être le truc. Bah, c'est chaque fois qu'il sacrifie quelqu'un, parce qu'il sacrifie sa femme d'abord, il se change en démon, après on va le voir. Après, justement, ça, il sacrifie sa femme, il obtient ça, ok, mais ensuite il sacrifie sa fille, et apparemment ça lui permet de compléter sa tour. Putain, mais pourquoi t'aurais pas pu. Non, mais ça complète pas sa tour, je crois que ça le change juste en démon. C'est ça le problème, j'ai pas trouvé. Moi, ce que j'ai compris, c'est que le deuxième fois, chaque fois qu'il demande du pouvoir, il lui dit, tu vas changer quelqu'un de cher. Bon, déjà, j'ai du mal à croire que Vortigern se tienne autant que ça à sa femme ou à sa fille, parce qu'il est pas présenté comme étant tellement, affectionné avec les deux. Si, il le montre douloureux, genre, oh, c'est terrible de devoir sacrifier ma femme, on le voit qu'il sort sa dague en leur faisant un câlin, c'est ridicule à chaque fois. Jude Law est ridicule dans ce rôle, franchement ça marche pas du tout. Mais du coup, chaque fois qu'il les sacrifie, il appelle la femme. Chaque fois qu'il les sacrifie, il a accès à cette espèce de forme démoniaque. Voilà, c'est ça. Parce que moi, c'est ça que je me suis dit, c'est pourquoi il resacrifie sa fille alors que ça lui donne rien de plus. Et si, c'est pour ça, c'est pour se changer en. Ok, moi j'avais pas compris parce ça. Parce que c'est le seul truc qui lui permet, parce que Excalibur. Bah, on le voit au début du film, Excalibur est super puissante contre les mages. Elle, ouais. Je veux dire, Uther, il parvient à. C'est la seule raison pour laquelle il est étonné, c'est que d'abord, bah, il parvient à tuer Mordred super facilement au début avec son épée et tout. Et la seule raison pour laquelle il est étonné, c'est que bah, Mordred manipule le reste du conseil, pas cette histoire de marge, pour le purger, puis pour faire. Je suis sûr qu'il a réussi à convaincre genre Uther et c'est un faible, voilà. Ouais. Effectivement, si tout le monde se met à taper sur Uther et ses gars, il va pas pouvoir réussir. Mais après, la seule raison pour laquelle il parvient à tuer Uther, c'est que bah il a ce pouvoir de changer en monstre. Et le problème, c'est qu'au début, j'ai pas fait forcément le lien tout de suite entre Vortigern et le monstre. Ouais. J'ai trouvé que le monstre était séparé en fait. Et le fait que Vortigern soit le monstre, je me dis ça va pas être Vortigern qui est le monstre, c'est quand même un peu bateau comme truc. Bah, ça ils vont révéler un démon ridicule, ou le grand méchant de la ou le grand méchant que Vortigern ou alors le méchant que Vortigern sert. Ouais. Ou un truc comme ou alors c'est Merlin ou alors c'est le père de Merlin ou un truc que je dois dire ça pour ce film, il y a un minimum de tension où tu vois des choses et tu les comprends pas tout de suite. Tu vois Vortigern qui sonne la cloche, tu comprends que ça a un sens, tu le vois pas tout de suite. Tu vois la tour au début, tu la comprends pas tout de suite. Tu vois le démon et tu déduis pas forcément tout de suite c'est Vortigern, tu dis peut-être qu'il a invoqué un serviteur démon ou je sais pas quoi. Et je trouve que ils arrivent quand même à revenir sur des trucs et à pas forcément développer un mystère, on va pas dire ça, c'est pas développé à ce point, mais ils arrivent quand même à présenter un minimum de tension avec ça. Alors c'est très faible, je sais, mais quand tu regardes d'autres films, le truc c'est que c'est pas très, les enjeux sont pas très intéressants au final. Non. Ben Jérôme il est mort quoi, on a tous compris, il est tué par quelqu'un, voilà, c'est Vortigern qui l'a tué, ça me semblait assez évident que, disons, si Vortigern avait été présenté comme la victime, que c'est pas lui, qu'on n'avait pas vu le meurtre et tout, bah moi je pensais qu'ils allaient faire ça parce que ça me paraissait un peu évident, ou qu'il aurait sacrifié Vortigern ou que Vortigern avait justement sacrifié sa femme pour essayer de résister à une invasion ou quelque chose comme ça, ou voilà. Il a aucun motif. Non, ils disent littéralement que sa seule motivation, c'est qu'il est imbu du pouvoir, mais le pouvoir magique qu'il obtient, on voit pas vraiment ce qu'il lui donne. Mais disons que si ça avait été révélé à la fin que Vortigern avait délibérément usurpé, puis que ça avait été un mystère un peu avant, ou qu'il avait pris le pouvoir juste pour la, puis qu'il était venu garder au pouvoir, mais non, que depuis le début c'était lui, ça aurait été peut-être un peu plus intéressant. Là, on savait que c'est lui qui allait le trahir, on savait tout depuis le début, à la fin, ce qu'on a dit, bah oui, c'est lui qui l'a trahi. Enfin, ouais. Je veux dire, même Arthur le savait, hein, c'est pas un grand choc. Donc, c'est ça que j'ai trouvé un peu. Bédivère a l'air au courant. Bédivère est même au courant de l'alliance entre Mordred et Vortigern. Ouais, parce que plusieurs personnages qui étaient des servants, des nobles ou des barons sous Uther sont retrouvés dans la résistance. On a Bédivère et on a, comment il s'appelle, Goose Fat Bill, qui est joué par Aelan. Ouais, Aidan Gillen, voilà. Il y a plusieurs personnages de Game of Thrones. Il y a aussi le gars qui joue Roose Bolton, Michael McAllaton, qui joue un sergent allié, plus ou moins allié à Uther. Il est très drôle. J'adore cette scène d'ailleurs. Sergent McSergent. Oui, alors ça, c'est la scène. Mais j'adore cette scène, elle est formidable. Mais pour le coup, il y a le Seigneur Merci. Alors, c'est ça ce qui m'a fait. Il s'appelle Mercia. C'est le comte de Mercia, en fait. C'est le Earl of Mercia. Il l'appelle toujours Mercia. Mais c'est le comte de Mercia. La Mercia, c'est un royaume anglo-saxon. Donc bon, ça joue du goût, ce nouveau. Ouais, c'est un nom qui fait vaguement archaïque, j'imagine. Ouais. Enfin bref, du coup il y a ce D'abord Arthur réussit à comprendre voilà plus ou moins ce qui s'est passé. Ça c'est un peu l'arc d'Arthur, il comprend progressivement et une fois et ça pour le coup ça a une dimension que je trouve assez justement arthurienne. Ben, ça fait penser beaucoup à Perceval en fait. Ouais, il voit comprend. Une scène, il la comprend pas et puis et pour pouvoir réussir à achever son but, c'est-à-dire maîtriser l'épée, il doit comprendre la scène. Ouais. Il doit comprendre et c'est ça me fait penser justement aussi à quelque chose comme Gauvin et le Chevalier-Vert où le but c'est de comprendre, ouais. C'est le jeu arthurien le plus grand défi pour ces chevaliers, c'est pas tellement de battre ou des et c'est je pense ça c'est lié un peu à un des buts de ces romances médiévales, de ces romances c'était de pouvoir servir un peu de miroir des princes. Ouais. Le but central de la part des aventures d'Arthur, c'est pas tellement d'être des chevaliers héroïques ou bons ou nobles, c'est de comprendre. Ouais. C'est de comprendre les tendances. Et c'est toujours ce qui cause le plus d'échecs, c'est quand on comprend pas quelque chose. C'est qu'on comprend pas une énigme, qu'on comprend pas. Et le Perceval qui échoue à sauver le roi pêcheur parce qu'il pose pas la question. Donc c'est l'importance peut-être. De la quête, de la compréhension, du savoir et de la valorisation d'un point de vue. Et là, pour le coup, cette valorisation du savoir, de la compréhension, semble être un peu le thème pour Arthur, quoi. Il peut pas maîtriser sa destinée, il peut pas maîtriser Excalibur sans avoir accepté, compris d'ailleurs, la mort de son père, les événements, etc. Je dirais que c'est le seul arc qu'il y a vraiment dans ce film où justement il doit essayer de comprendre ça pour maîtriser Excalibur. Il arrive finalement à maîtriser plus ou moins Excalibur, juste avant d'avoir compris, en fait, ou ouais. Juste après avoir compris, il réussit parce qu'il voit la mage en danger, puis il est genre, oh non, il faut que je la sauve, et puis d'un seul coup, il y a un super combat où il bat 50 000 soldats en accéléré, puis après, il y a plein de soldats. Parce qu'il a réussi à poser la table, l'épée. Mais il n'avait pas complété la vision, là. Mais il complète la vision à quel moment? Quand il bat Mordred ou juste avant qu'il batte Mordred? Vortigern, attends, je l'appelle toujours Mordred parce qu'il a une tête à s'appeler Mordred. Je crois qu'il voit 4 fois, en tout cas. Il a des mauvais rêves, etc. Donc il voit plein de fois ce combat. On le revoit plusieurs fois, ouais. On voit plusieurs fois. La dernière fois, c'est dans le combat final contre Vortigern où il intervient dans la vision. Voilà, c'est ça. Mais là, il voit son père lancer l'épée en l'air et il l'attrape au vol. Et puis il y a son père qui le regarde et qui lui fait, l'épée est à toi maintenant. Et puis là, il devient super balèze et il bat Vortigern à la fin. Mais du coup, et y a juste avant ça, entre le moment justement où il a fait sa quête de vision et ce moment-là, il se passe justement, ils vont d'abord faire une première tentative sur la vie de Vortigern, il va venir à Londres et ils vont utiliser ça pour essayer de le tuer. Or en fait, c'était évident, c'est télégraphié. Et en fait, Vortigern sait qu'ils connaissent Maggie, que Maggie, sa gouvernante les aide. Du coup, il leak un peu l'information pour... D'ailleurs, je sais pas si c'était un hareng rouge, mais en fait, moi au départ, je pensais que c'était un hareng rouge cette conversation et qu'il avait pas repéré que Maggie était traître. Parce qu'il commençait la conversation en mode un peu « Ah, Maggie, finalement, tu es très proche de moi et tout. » Du coup, moi, je pensais qu'il allait la sacrifier. Mm-hmm. Je pensais qu'il allait dire « Ah, c'est quelqu'un qui est proche de moi, donc peut-être je peux essayer de la sacrifier pour réavoir le pouvoir, puis qu'il allait la buter, puis qu'après, on verrait que ça marche pas et qu'il doit sacrifier sa fille. » Ah non, non. Moi, j'avais clairement compris que c'était vraiment « Il sait qu'elle est traître. » Je pensais que c'était un hareng rouge. Je pensais que la conversation pouvait servir les deux buts et que ça... Je pense que c'est accidentellement bien écrit. Donc du coup, ils se retrouvent à Londres, ils font un plan, donc il y a de nouveau une séquence de plans compliqués. Ils sabotent la construction de la tour de Vortigern en bloquant un fleuve et en... Ils font plein de trucs, et justement là, Vortigern doit venir à Londres pour... je sais plus pour quelle raison. Pour un conseil des barons, parce qu'il y a 6 barons dont il n'est pas sûr de la loyauté. Voilà, et Arthur et les autres ont besoin de l'aide des barons. Donc du coup, ils disent, tant qu'à faire, on va en profiter pour l'assassiner. Il y a un plan d'assassinat qui échoue. Dans l'affaire, ils sont dispersés dans l'ombre, il y a une longue scène. Alors ça, j'ai trouvé tout cet élément. C'est la pire scène du film, je pense. C'est horrible parce que ça sert à rien narrativement. Ça sert à rien du tout. À part à tuer justement des amis d'enfance Baclac, Fesse d'huître. Moi, ce que j'ai trouvé que c'était la scène que je trouve la pire du film, c'est celle où j'ai commencé à m'ennuyer. Il y a des plans filmés au iPhone où ils courent dans les rues, qui sont dans la bande annonce d'ailleurs, je sais pas pourquoi, où on voit leur visage pendant qu'ils courent dans les rues. Voilà, la GoPro. Les combats sont assez mauvais en fait. Bon, je me suis dit, c'est con qu'il y ait Tom Woo dans ce film, qui est il est très bon en arts martiaux, etc. C'est con qu'il y ait Tom Woo dans ce film, et puis qu'on voit ses combats nuls dans des petites ruelles de Londres. Et puis ils arrivent justement à l'espèce de dojo de Tom Woo, et puis où ils font leur last stand, et où Arthur arrive à utiliser l'épée pour la première fois. Alors ça fonctionne, mais il y a justement un bout lent et pas très intéressant juste avant. Mais c'est vrai que pile au moment où je me disais, ce serait bien que Tom Woo entre dans le film juste maintenant, bah il arrivait, donc... Probablement que le mec qui a écrit le film pensait un peu comme moi. Bon, ces scènes de Arthur... Il reste sous-exploité, je trouve, en termes de... Ces scènes où Arthur utilise l'épée, c'est très jeu vidéo, quand même, hein, comme direction. Ouais, t'as vraiment l'impression de te retrouver dans God of War, Batman Arkham Asylum, ou bien... Il y a des accélérés ralentis où il pète des épées, il projette des mecs dans tous les sens. Ça fait le job, mais... Après, c'est des trucs qu'on voit pas forcément très souvent sous cette forme au cinéma, mais quand tu as joué un peu à Assassin's Creed ou ce genre de trucs, ou Shadow of Mordor, ça m'a beaucoup fait penser. Shadow of Mordor. Bah oui, avec la brume et tout. Voilà, donc c'est pour le coup, c'était un peu... Donc après, cette tentative d'assassinat qui échoue, ce last stand, ils arrivent à se retrouver, à se regrouper dans une safe house d'où ils vont partir. Bakla, qui avait été perdu dans la foulée, meurt petit à petit parce qu'il a été blessé. Ils réussissent tous à s'échapper, sauf ben justement Bakelak quand Vertigan les retrouve, il le torture et il le tue. Mm-hmm. Et ils capturent également un des leurs jeunes chevaliers. Il y a une scène un peu ridicule où il pique le coup de parler dans l'oreille qui vient de couper de Reservoir Dogs. Ah oui. Qui je pense est la seule scène qui justifie que le film soit déconseillé aux moins de 14 ans. Ouais, parce que sinon c'est pas vraiment très très sanglant. Non, il y a les scènes de meurtre, l'égorgement, il y a les prostituées éventuellement, mais bon, ouais, c'est suggéré quoi. Hein, c'est pas. Il y a pas beaucoup d'éléments, disons, adultes. Pour le coup, ils réussissent à fuir et justement, alors un des membres de la résistance, mais qui a, à part Bediver et Goose Fatbill, qui d'ailleurs avait été introduit plutôt pour Arthur le trahisse une fois, pour qu'on comprenne bien que bah voilà, c'était Arthur. À la base, c'est pas un résistant. À part Goose Fatbill et Bediver qui sont les deux principaux, il y a deux exécutants, un qui s'appelle Percival. En fait, je pensais que Percival c'était le plus jeune, mais en fait, c'est le plus âgé avec la barbe, qui a une tête à s'appeler plutôt, je sais pas, Moqué ou un truc comme ça. Et le gamin, qui s'appelle Rubio, enfin, gamin, je dis ça, il doit avoir genre 18-20 ans. Et Rubio est capturé justement par les troupes de Vortigern pendant l'assaut, la tentative d'assassinat à Londres. Et quand Arthur revient à son moment de man pain pour la mort de Bakelak, et qu'il est parti faire sa petite deuxième quête de vision dans les bois et dans l'eau, Il y a la dame du lac qui lui montre une vision voilà. du futur et qui lui dit il faut que tu ailles sauver le monde, il dit ok. Et il est retrouvé en pleine forêt par les autres qui sont allés le chercher. Et quand ils reviennent au terrain de la résistance, enfin au château de la résistance, il y a tout le monde qui est mort. Tout le monde est mort ou capturé. Et le fils de Bakelak, Blue, qui s'appelle Blue, d'ailleurs il est joué par un acteur qui s'appelle Bleu, ou enfin ouais. peut-être probablement Bleu parce que ça doit être un nom gallois, mais je trouvais ça très amusant. Il est capturé ainsi que The Mage. Ouais. Qui est censé être donc la guenièvre, on le rappelle. Et puis il y a un mec méchant qui est assis au milieu du QG et qui lui dit je suis là pour vous transmettre un message. Il te dit d'être au crépuscule à la tour, sans armes, sinon il les exécutera. C'est ultra cliché et ridicule. Et après il est là, genre bon, bah je dois aller chez moi, donc laissez-moi partir, parce que si vous me faites du mal, il le saura. Puis t'es là, mais vous vous en foutez. Puis ils font les gros bras et les bonhommes, genre ils l'empêchent de passer, finalement il laisse passer. Je sais pas, c'est ridicule cette scène, je trouve. Il y a une espèce de mise en scène de la masculinité qui est un peu ridicule. Et du coup, là, on arrive à la fin du film. Enfin, c'est le showdown. Et je trouve que le film, dès qu'on se met à penser à toutes ces scènes et à comment elles enchaînent l'une par rapport aux autres, le film tombe en morceaux, en fait. C'est très simple. Il va confronter le grand méchant, il le bat et il gagne. Mais il n'y a que des scènes qui n'ont aucun sens. Bah, du coup, la première chose qu'ils font, c'est que Bediver apporte l'épée et dit... Et libère le mage. Et libère la mage. La mage. Ils préparent leur plan d'assaut. Ensuite, il y a la mage qui dit oh, « Ok, je vais broyer des champignons parce que je suis un chaman, je suppose. Et tu vois, Arthur, il faut que tu te fasses mordre par ce serpent et le venin te montrera ce que tu ne vois pas. » Et ça apporte rien. Et il y a une scène... Non, si, c'est parce que c'est le serpent qui lui permet de voir, je pense, l'histoire de son père pour le vrai, finalement. Là. Oui, vaguement. Donc ça serait un truc un peu initiatique. Donc on a une scène où il se balade et puis il y a une super chanson pop où il voit des arbres qui bougent comme s'il y avait des esprits des arbres, des nymphes. Oui. Et puis du coup, quand vous voyez cette scène dans le trailer, vous dites « Ouais, il y a des esprits des arbres, il y a des espèces d'entes dans ce film. » Et en fait, non, c'est cette scène hallucinatoire. Il voit les soldats avec des espèces de visages de feu. C'est pas seulement hallucinatoire, ça révèle la vraie nature des choses. Quoi. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des elfes dans les bois. Mais ça sert littéralement à rien. Et après, il arrive à la tour et là, il y a Vortigern qui a une espèce de callback où il essaye de prendre Excalibur pour buter Arthur et il y a la mage qui contrôle un petit serpent qui se jette sur Vortigern, il le tue, mais en faisant ça il coince Excalibur dans de la pierre et donc on a une espèce de nouveau, il arrive pas à sortir Excalibur de la pierre. Et à ce moment là il y a la mage qui prend le contrôle d'un serpent géant dont on a vu qu'ils existaient dans les Darklands, enfin voilà, et elle défonce littéralement tout le monde, même Vortigern. Et Arthur peut être un cool guy et puis aller récupérer l'épée, puis après le serpent se barre et t'es là ok, elle peut contrôler des serpents géants, pourquoi est-ce que la résistance attendait Arthur pour tenter quoi que ce soit? Ils peuvent clairement contrôler des animaux géants, c'est ridicule, genre t'es là. Ça aurait été vachement utile à beaucoup d'autres moments dans le film, par exemple quand vous étiez en train de vous faire exterminer au début. Voilà, ou alors tu aurais pu faire la scène sans un serpent géant aussi, à part pour le cool factor. Ça aurait été un peu... réutiliser l'aigle par exemple, un truc du genre, ça aurait été... Voilà. Et donc, Vortigern est désespéré, et donc il va sacrifier sa fille pour reprendre sa forme de démon. Ah, donc ouais, je commence à comprendre la logique du film, parce que moi, je me disais que pourquoi est-ce qu'il ferait le vœu d'acquérir temporairement une forme de démon s'il peut il pourrait faire le vœu d'avoir sa permanence. Je pense que tu dois tuer plus que ta femme pour avoir le vœu, la forme de démon. Il ne veut pas l'aimer beaucoup, donc il fait ça, il sacrifie sa fille, il obtient la forme de démon, il y a un duel, il réussit à compléter sa tour, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais est-ce que la tour se complète? J'ai compris que la tour était déjà complétée, moi. Moi, j'avais compris que la tour était complétée à cause de ça ou suite à ça. Peut-être c'est lié. Enfin, j'ai pas l'impression parce que le truc qu'il fait sous l'eau, c'est sous la tour. Mm-hmm. Et donc Arthur qui a récupéré l'épée, va le chercher dans la tour et dans la tour, il le voit au premier étage de la tour. Est-ce que le truc sous l'eau, je crois pas que le truc sous l'eau soit sous la tour parce que ça existe avant qu'il commence à la construire. Oui, mais il construit la tour au-dessus de ça. Okay. Ça ferait sens, non? Il y aurait le pouvoir. Ouais, mais voilà. Bon, mais justement, c'est ça le problème que je vois, c'est que il sacrifie sa fille pour avoir ce pouvoir. Mais du coup, ça veut dire qu'il a construit la tour pour rien, puisque ce pouvoir qu'il a à la fin dans le combat final est indépendant de la tour. Bon, ouais, je pense que la tour, ça augmente sa puissance générale. Ouais, mais c'est, tu vois pas vraiment son endgame. Genre, t'es là, il a sacrifié sa femme, il a sacrifié sa fille, mais il risque tout. Disons, la tour, ça augmente peut-être son pouvoir latent, mais pour se changer en démon, C'est ça qui est bizarre, c'est qu'il fait tout ça, et puis tout ce qu'il arrive à faire avec ses pouvoirs, c'est allumer une chandelle, et puis tenir une boule de feu en ayant l'air effrayant à un moment. J'ai l'impression qu'il est quand même plus fort contre Arthur que contre... Vaguement, mais sa forme est identique, donc pour moi, il a pas. En fait, c'est ça, il a pas. Le combat contre Uther et Arthur est fonctionnellement identique, donc on n'a pas l'impression qu'il y ait une progression. Ouais, c'est et bizarre. En plus, comme il triche et qu'il a une forme supérieure, quand tu vois le combat, ils arrivent. Le combat est vaguement satisfaisant, à mon avis, mais ils arrivent pas à te faire sentir que, ok, c'est deux adversaires qui ont des moyens à peu près similaires et que celui qui gagne, c'est parce qu'il a plus d'adresse ou quoi. Il y a des accélérés ralentis. Et au final, d'ailleurs, il met Arthur au tapis jusqu'à ce que Arthur ait cette vision finale, justement. Voilà, il met Arthur au tapis, Arthur a une vision finale, réconciliation avec son père, je sais pas si vous êtes jungien, relâchement de l'anima ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Et finalement, il arrive à le battre et il lui dit « Tu m'as demandé d'où venait mon ambition, mais c'est toi, parce que c'est toi qui m'a lancé dans la merde. » Oui, alors ça, c'était le plus plan-plan du monde, qui... t'es où, là, là, ouf. « C'est toi qui m'a créé et pour ça, je te remercie. » Et puis ça fait quoi, un truc que Vortigern lui a dit? Et après, il le bute, et la scène finale, c'est que il construit la table ronde. Lui-même. Il construit la table ronde lui-même, il fait adouber ses potes, et finalement, il brandit l'épée, tout le monde est content. On voit la mage qui est un peu disparue, puis qui est apparemment retournée dans la nature, mais elle a l'air contente, donc on la voit une seconde dans la nature. Et fin. Et là, à mon avis, il y a énormément... là, on vous a résumé un peu l'histoire de façon un peu laborieuse, mais basiquement, c'est ça. Je vais dire, s'il faut faire un jugement d'ensemble, je pense que le plus gros manquement de ce film, pour moi, c'est pas une catastrophe, c'est clairement pas un terriblement mauvais film, même si je suis sûr que certaines personnes le ressentiront comme ça. Pour moi, c'est pas une catastrophe. À l'échelle des films globaux, je mettrais légèrement au-dessus de la moyenne. Si je vais le juger purement sur le plan artistique, je dirais assez bon. Mais pour moi, sa plus grosse faille, c'est que l'écriture est mauvaise. Il n'y a pas une seule réplique mémorable. Il n'y a pas une seule réplique que t'as pas déjà entendue. T'as déjà vu tout ça. Je suis pas fort, assez fort pour ça, mais je peux faire ça. Tu as détourné les yeux de la vision. Moi aussi, je détourne les yeux, nous détournons tous les yeux. Mais c'est ça qui fait la différence entre un roi et un homme. Mais c'est nul à chier. Il y a des films arthuriens qui sont hyper cheesy et tout, mais au moins... Il y a un minimum, peut-être pas de poésie, mais de valeur dans l'écriture et de trucs mémorables. Là, aucun personnage a une personnalité. Le plus proche, c'est probablement la mage qui a vaguement des espèces d'affects. Tous les personnages sont interchangeables. Ils sont en train de se faire... En fait, ça fait le job. En plus, les personnages jouent pas tous de façon... Alors, autant la part des acteurs jouent encore assez bien... Après, bon, il y a la direction qui fait « Ouais, jouez tous comme si vous étiez des gangsters cockney. » Mais c'est ça, vous êtes tous des gangsters cockney à vous balancer des fions, ça marche, ça fait fonctionner les scènes, mais t'as absolument pas L'actrice qui joue The Mage, Astrid Berges Frisbee, est pas terrible, terrible. Bon, c'est peut-être juste son... Elle est pas terrible, mais comme c'est la seule qui est pas là « Oh, mate, putting me on, mate !» Comme c'est la seule qui ne fait pas ça et qui parle différemment, je suis en train de dire « Ok, c'est un des meilleurs personnages parce que c'est un personnage. » Oui, c'est ça aussi. Et je déteste son espèce de début de romance avec Arthur, mais c'est ce qu'on a de plus proche d'une relation entre deux personnages. Je veux dire, Arthur, il retrouve Betty. Non, quand même, il y a les... Non, avec ses potes. Non, c'est nul à chier, c'est du sarcasme. C'est vraiment, il a une espèce de truelle où il plaque du sarcasme sur toutes les scènes et il se balance des fions et des petites blagues. Et ça remplit son job, ça fait marcher les scènes individuellement, mais ça fait pas de moments émotionnels, ça fait pas de moments de personnages, ça fait rien. Arthur, il retrouve Bedivere, qui était clairement un lieutenant de son père, et il a un problème avec son père, et le fait de se réconcilier avec son père, c'est une thématique majeure du film. Il parle même pas de son père, on n'a même pas les répliques de merde, your father was a good man, on n'a même pas le cliché de base. Bedivere et Arthur ne se... T'es là, il a pas connu son père, il a un mec qui a clairement été dans les cercles du pouvoir quand son père était roi, qu'il a vu naître, qui probablement savait, le connaissait quand il était bébé. Ils ont pas une seule conversation dessus. C'est pas, c'est quand même un problème. Ben moi, pour moi, c'était clairement assez représentatif du fait qu'Arthur voulait pas justement cet héritage paternel, il refusait de se mettre au timbre parce que pour lui, sa famille, c'était ces types des rues et justement, hein? Et que au final, c'est seulement vers la fin. Mais justement, ça c'est aussi ce tout côté, voilà, on doit introduire du conflit entre les personnages maintenant pour qu'après ils soient potes dans les personnages suivants et qu'ils soient copains comme cochon et que après dans l'épisode suivant, si ça avait été une saga, on aurait eu le moment où il commence à s'intéresser à son père parce que jusque là, il voulait pas s'intéresser à son père parce que pour lui, le père absent, tu excuses énormément. Pour moi, c'est pas ça qui a causé ça. Ce qui a causé ça, c'est que c'était pas du tout ce qui intéressait Guy Ritchie. Guy Ritchie, l'écriture a utilisé ce style qui fonctionne individuellement, qui fait marcher les scènes individuellement, mais dans un film, franchement, Bedivere, ce rôle, je sais pas s'ils l'ont rétrogradé quand ils ont plus pu avoir Idris Elba, mais Idris Elba qui joue ça, y a rien. Il a 10 répliques dans le film, et il dit rien. Ce serait du gâchis. Alors, c'est aussi du gâchis de Jimon Unsu, hein. Soyons francs, il a pas grand chose avec quoi travailler. Bon, c'est un bon acteur, mais là, il a pas grand chose de quoi faire. La mage et lui sont censés être ces figures de guide spirituel, mais ça fait le job et ça se limite à ça. Et pour moi, c'est ça le problème. Si tu vas prendre un film comme Excalibur, même comme King Arthur 2004, même The Last Legion, il y a des trucs mémorables. Ce film, il arrive à faire des images qui sont vaguement mémorables, mais d'un autre côté, tu les as déjà vues mille fois. Et il joue assez bien avec ces images. Genre cette image de Uther avec l'épée qui se plante dans lui, pour moi, c'est le truc que je retiendrai de ce film, parce que c'est pas mal astucieux, on va dire. Et je trouve qu'en termes de symboles, ça marche assez bien. C'est con et génial à la fois, donc c'est très arthurien. Mais pour ce qui est de la qualité d'écriture, je trouve très générique, quoi. Je sais pas si ça t'a frappé, mais moi, franchement, j'aurais de la peine... C'était horriblement chèque, c'est pour ça que je me suis fait chier, en fait. J'aurais de la peine à citer un dialogue, Je trouvais le contenu du film tellement pauvre que je ne t'aurais dû à lire le film à travers l'angle, parce que je suis en train d'écouter le podcast de Patrick Boucheron au Collège de France sur les fictions du pouvoir, les fictions politiques, et je me disais, tiens, je me rappelle... Et j'ai analysé ça sous cet angle-là, parce que j'avais rien de mieux à faire, quoi. Je m'étais pas pris dans l'action, parce que l'écriture était pas terrible, terrible. Et pour le coup, et ça, je pense, ça fait partie du côté justement arthurien du film. Le côté arthurien très sous-exploité, finalement, bon, dans les grandes lignes, tu as Arthur, tu as Excalibur, et c'est à peu près tout ce que le film a. Bon, il y a évidemment Bedivere qui fait partie, Uther, voilà. La table ronde des chevaliers qui sont forcés à la fin dedans, genre ils adoubent des mecs alors qu'on a vu aucun adoubement jusque-là. Apparemment, Bedivere c'est un sir, mais on sait pas exactement pourquoi. Enfin. Ouais, mais j'ai l'impression que justement cette dernière scène et tout ça, ça faisait partie d'un film différent. En fait. Pour moi, les parties avant la fin du film et peut-être ce qu'il voulait faire après et le début du film sont dans cet univers un peu médiéval fantastique. Elle a ces armures un peu plus médiévales du milieu du Moyen-Âge ou du bas Moyen-Âge, ce côté un peu romantique fantastique. Et le milieu du film, c'est cette espèce de film de gangster pseudo-ancien qui se veut Guy Ritchie-esque. Et c'est comme si Guy Ritchie avait fait son film puis qu'après, les types du studio lui disent « Bon, maintenant, Coco, on va faire une saga de ça, donc on va coller un bout au début et à la fin pour faire le côté saga qu'on va vouloir. » Et que je suis quasiment sûr que si on avait eu un deuxième film, tout le côté... peut-être que l'écriture des personnages serait restée, le coup un peu cockney comme ça, mais tout le passé, on aurait... Bah, d'ailleurs, le film fait quand même assez loin pour essayer d'éviter les histoires de... Bah, il enlève Backlack à la fin qui meurt, Westick qui est l'autre ami d'Arthur, en fait il se trouve qu'il s'appelle Tristan. Et maintenant c'est Sir Tristan. Et puis Tristan, pourquoi Tristan? Tristan dans la, enfin c'est un parent. Effectivement c'est un parent d'Arthur dans la légende arthurienne, c'est son cousin. Mais enfin, ce sera le personnage de queue dans le prochain film. Voilà, mais justement pourquoi pas l'appeler Kay, justement pourquoi Tristan? Je sais pas, c'est plus parce que c'est un nom à la con. Voilà, alors à la limite tu fais de, tu c'est tu pas fais assez de... anglais, c'est pas assez anglais. Mais c'est ça, il semblerait qu'ils donnent des noms qui, non, alors on va leur donner des noms à la con, mais qui sont anglais, donc Chinese George par exemple. Chinese George, Kung Fu George aussi. Là, c'est pas mal parce que moi les Vikings ça m'a pas gêné, mais le fait que quelqu'un à Londres appelle quelqu'un Kung Fu George, Ok, admettons. Le plus gros, comme je l'ai dit avant, c'est les barons avec leurs pourpoints élisabétains. C'est une scène, d'ailleurs, on sait pas exactement si elle s'est passée, parce que t'as Arthur qui dit, je vais te dire comment ça va se passer, je vais leur dire ça, ils vont me dire ça, et tu vas dire ça, et tu vas me dire ça, et puis après on va pas le faire, donc on va faire autre chose. Et du coup, tu sais pas si cette scène s'est passée ou pas, mais il y a des barons élisabétains avec leurs pourpoints violets, c'est ridicule. Là, ça m'a sorti, ça m'a, je sais pas, c'est comme quand... En fait, tu sais quoi, ça me fait penser visuellement un peu, niveau incohérence visuelle, à Game of Thrones, en fait, à la série. Parce que ça a ce même côté. Encore dans Game of Thrones, ça va plus ou moins parce que t'as des cultures assez lointaines, mais enfin, quand tu regardes certains personnages de Game of Thrones, t'as l'impression que par moments ils sont en train de se costumer en direct de Byzance au 4ème siècle, et par d'autres, t'as l'impression qu'ils sont en train d'aller gentiment préparer leur expédition contre la reine Mary au nom de la reine Elisabeth. Franchement, c'est un peu le même genre de dissonance que j'ai quand je joue à un truc comme Dark Souls, mais là, je pardonne Dark Souls parce que c'est fait par des Japonais, donc c'est fait complètement. Donc forcément, ils ont une espèce de vision de grosse bouillie de l'histoire européenne. On a l'impression qu'un film de samouraï fait par des Occidentaux. Non, c'est ça, mais t'es un chevalier qui se bat au Dôme de Milan pour essayer de buter un dieu celtique de la lumière, il s'appelle Gwyn, et puis après t'as Hagia Sophia en arrière-plan quand tu te bats contre un dragon. Moi, ce qui me frappe dans les Dark Souls, c'est quand il y a des ascenseurs. Moi, ça me tue, parce que quand il y a des ascenseurs de service qui ont l'air de sortir d'un immeuble de 1920, je sais que c'est très subjectif et il y a des gens que ça gêne pas du tout et tout, mais quand tu vois ce mec chevalier, c'est le truc qui me sort. Et les barons élisabétains, bah c'est pratique, franchement. T'as Spirou qui va sortir. C'est ça. Non, c'est là. Il y a des moments dans Dark Souls où t'as des ascenseurs comme ça, et moi ça me sort complètement. Il y a des moments de ce film qui m'ont fait le même effet, mais je sais que c'est très subjectif et qu'il y a des gens que ça va pas toucher du tout. Ça dépend aussi de l'image que toi. Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on a. Mais moi, ça, je crois que c'était un geste sorti. Autre truc que j'ai pas dit avant, qui m'a fait beaucoup rire au cinéma, c'est une scène qui est censée être dramatique. Quand on voit la mère d'Arthur qui meurt, donc il y a ce démon qui lance son espèce de javelot qui passe à travers la mer, la musique s'arrête, on voit Uther se retourne, on voit la mer tomber et sortir du champ alors qu'elle tombe, on voit son torse, puis elle tombe et on voit l'eau derrière elle. Et il y a le titre du film qui apparaît, et la musique qui commence super fort, et c'est ridicule. Juste, elle meurt, elle tombe à l'antipi. Dang, dang, dang, dang, dang, dang, King Arthur, Legend of the Sword. Je sais pas si c'est que moi, mais il y a deux, trois moments. C'était assez curieux comme ça. Il y a deux, trois moments où le timing est vraiment, vraiment bizarre. Bon, c'est le côté Guy Ritchie aussi, tu me diras. Autre problème, j'ai dit, Merlin est techniquement dans le film. Il est là 3 secondes et on le voit forger Excalibur. J'ai 3 problèmes avec ça. 1, c'est les gros pédants qui sont là. Merlin est pas dans le film. Non, Merlin est dans le film. J'ai techniquement raison. 2e problème, il y a clairement des gens plus intelligents que moi, plus attentifs que moi, qui s'y connaissent mieux en cinéma arthurien, qui ont raté le fait que Merlin était dans le film. Donc c'est qu'il y a un problème. C'est pas juste que moi je suis plus intelligent que tout le monde. Justement, si il faut prêter, j'ai prêté extrêmement attention à cette scène parce que je pense que c'est un peu une des seules qui est racontée linéairement. Mais si tout le monde est capable de le rater, des critiques du Guardian, des critiques professionnelles et autres ratent que Merlin est dans ce film, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, il y a un problème de dosage dans cette présence. Et surtout, 3e problème, je pensais qu'ils allaient révéler que la mage, c'était Merlin. Je pensais que, parce qu'on le voit pas, on voit cette figure encapuchonnée, etc. C'est elle qui a un rôle de guide spirituel d'Arthur, clairement plus même que Bédivère, qui était annoncé pourtant pour ça. Ils ont retconné que c'était Guenièvre. Du coup, moi, je me suis dit, ils vont nous dire à la fin, on va voir quelqu'un qui lui fait, ah, Merlin, que tu crois que ça s'est bien passé? Et puis que le film allait se finir comme ça, quelqu'un qui révèle qu'en fait, c'est Merlin, qui a un nouveau corps, ou je sais pas, une figure un peu comme Taliesin, en fait, Guillaume Barre, qui se réincarne en Taliesin. Ça a effectivement marché, collé avec le fait, le côté changement de corps et tout, ça aurait pu marcher avec le fait que, elle change de corps, elle va mettre. Moi, franchement, ça aurait parfaitement marché. Même si le qui forgeait Merlin était un homme, parce que ça, j'avais vu qu'ils avaient casté un acteur pour jouer Merlin. Un acteur pour jouer Merlin, donc il y a eu des scènes coupées apparemment. Donc apparemment, c'est le type dans sa capuche qui est en train de forger l'épée, quoi. Ils ont gardé que 3 secondes, mais apparemment avant, Merlin avait un rôle plus proéminent dans le film qu'ils ont coupé. Donc quand il sort en DVD, s'il y a des bonus ou s'il y a une director's cut, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais si ça arrive, c'est vrai que la fabrication du film doit être intéressante, je pense, parce que là on a un gros problème à mon avis, et franchement ça aurait été un twist parfaitement économique, parce que s'ils avaient juste dit ok, en fait c'est Merlin, les gens auraient plus pu râler. Ça aurait fait sens qu'il soit mentionné 20 fois dans le film. Franchement, moi, ça m'aurait parfaitement convenu comme twist. Ça aurait expliqué qu'elle comprend ce qui se passe avec Excalibur. Alors, ou alors oui. Que simplement, Merlin, c'était déjà une fille à l'époque, quoi. Enfin, puis oui, c'est juste qu'il âge, que sa jeunesse, et c'est expliqué parce que comme Merlin, il vieillit à l'envers. Moi, franchement, je crois qu'ils auraient pu le faire, mais il y a des scènes clairement où c'est impliqué que c'est pas le cas. Genre, il y a des scènes où ils disent, ah, vous bossez avec Merlin. Et donc ça veut dire oui, que bon, ça pourrait être aussi. Ce serait ça. Peut-être qu'elle, peut-être. Je vais essayer. Allô Merlin. Oh, là, là. Non, c'est ça. Ça aurait pu être. Ok, Merlin a décidé de se planquer un peu. Elle est incognito. Moi, ça m'aurait parfaitement été. Et apparemment, il y a des gens qui ont. Je suis pas le seul à avoir eu cette interprétation. Il y a des gens qui ont pensé que ça allait être le twist. Pareil. Bon, ils peuvent encore le faire. Hein. Ils peuvent encore le faire. Bah, ça aurait été bizarre quand même de garder ce twist pour le film suivant. Il y a aussi, je pense, occasion manquée, la Dame du Lac n'est pas assez développée, même si elle est là, elle est clairement plus présente que Merlin. Et le lien de la Dame du Lac, la sirène n'est pas expliquée, moi ça me gêne pas en fait. Le fait qu'ils expliquent pas les animaux. Il y a des races de créatures bizarres qui vivent dans les eaux, pourquoi pas quoi. De les créatures bizarres dans les eaux, il y a les Darklands où ils montent des créatures, et Arthur qui se fait péter la gueule par Charlie Hunnam qui se fait péter la gueule par des chauves-souris et des rats mutants et des serpents géants. Ah bah ça pour le coup, j'ai mon ami Amy qui est doctorant pour le coup en littérature arthurienne, mais qui aime aussi bien les Monty Pythons. Ouais, avec le serpent géant. Non, il y a vu le pun des rats géants, c'est des Rodents of Unusual Size. Ouais. Ah, tu penses que c'est vraiment une... Ah, pour moi, ça peut être une référence, ouais. Connaissant... Enfin, les Britanniques aiment bien quand même des Pythons, ça ne m'étonnerait pas que ce soit vu comme une référence. C'est une des références, après tout, Monty Python, quand tu parles de l'arthurienne en termes de cinéma. Franchement, c'est un des films les plus arthuriens. Étrangement, je pense que c'est celui qui capture le plus la dimension romance, avec le bout où il y a le château des pucelles, et puis oui, le chevalier... côté épisodique, et puis le côté épisodique, le côté... bizarre aussi. Le côté bizarre. Malgré le fait qu'il soit humoristique, il joue extrêmement bien avec ses registres. Bon, après, les mecs qui sont derrière, c'est aussi des cerveaux. Bah, c'est des types qui sont aussi allés étudier la littérature, qui ont fait, Oxford, Cambridge, hein, c'est pas non plus. Non, c'est ça, c'est des mecs des types qui sortent. Qui maîtrisent ses codes. Guy Ritchie, je pense, ça l'intéresse moins, mais il a clairement pris cette mythologie, puis c'était sa tentative. Après, moi, ce que j'ai trouvé dommage, justement, c'est qu'autant le registre tonal, un peu, justement, le côté gangster et le côté arthurien, aurait pu mieux marcher s'il avait été plus intégré, justement. Outre le côté, justement, Tristan Westick, c'est pas du tout exploité. Les personnages ont des noms arthuriens saupoudrés, alors que pour le coup, ça aurait été intéressant, si tu veux la mettre dans ta tête. Je dis pas, ils auraient dû mettre à Gravin, présenter la généalogie divin, ouais. Ou bien les expliquer pourquoi il y a deux divins. Non, mais simplement, tu mets trois noms quand même, t'as Bédivère, tu pourrais pas mettre Ké, Gauvin, et puis... Mais surtout, je trouve Bédivère est dramatiquement sous-exploité. Genre, tu le vois juste dans la scène du début que c'est un lieutenant du Terre. Après, avec la rébellion, il se barre et il devient un rebelle. Mais il sert à rien. Il dit juste à Arthur, il est là pour raconter l'histoire de la création d'Excalibur. C'est sa fonction, je pense, la plus importante dans le film, où il explique d'où elle vient et pourquoi cette épée est magique. Mais sinon, il a pas grand-chose à faire. Ils passent leur temps à se balancer des fions, et c'est sympa, mais il pourrait se balancer des fions et développer des personnages quand même. Bah, il y a aussi le fait, bah, justement, ce côté arthurien qui est, pour le coup, ça me gêne pas, ça m'aurait pas gêné qu'ils auraient fait, je sais pas, ils auraient changé les rôles des personnages complètement, pourquoi pas. Mais là, il y a pas vraiment, déjà, ils sous-exploitent, à part la légende arthurienne, à part les éléments Merlin, vaguement, à part Vortigern, peut-être un peu Uther, et c'est vraiment Uther, Arthur, Excalibur, et le reste, c'est, on a pris vaguement deux, trois noms. J'ai envie de dire que c'est décevant. En tant que film arthurien, parce qu'il aurait pu être encore plus bancaire, encore plus débile, pourquoi pas, j'aurais quand même été bon public. Mais là, il sous-exploitait justement le potentiel de la légende arthurienne. Tu pourrais en faire une adaptation moderne beaucoup plus puis les choses, fun, quoi. Les choses sont un peu déconnectées, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui font des graffitis pour le Board King, on voit des gens qui font des émeutes, mais même s'ils exploitent ça, c'est pas connecté. On les voit pas aller dans les émeutes et parler aux émeutiers ou se connecter aux émeutiers. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent, mais il n'y a pas vraiment. Ben, tu vois, c'est du décor. C'est en faire du une décor, mini-série avec ce thème-là. Ouais. Ça aurait été, bon, encore une fois, on revient au thème que c'est mieux de refaire des séries, mais tu vois, une mini-série HBO dans le style de Game of Thrones, mais dans cet univers-là, t'aurais pu la vendre mieux parce que ça aurait, pour le coup, t'aurais eu l'occasion de renforcer justement l'atmosphère, de mieux vendre le truc un peu disjoint parce que t'aurais eu l'occasion de développer un peu les détails de le rendre plus vivant. Ouais. C'est aussi un des problèmes du film. Le côté disjoint, mais visiblement disjoint, tant aussi au fait que, vu qu'on voit que des fragments de chaque truc, on n'a pas l'occasion de les réconcilier ensemble, quoi. Je sais pas si c'est ça tant le problème que plutôt que quand tu fais un film comme ça, Guy Ritchie, il a sa checklist, il a son combat contre le méchant à la fin, il a le fait que le héros doit accomplir son truc. Je parlais plus dans l'atmosphère visuelle, en fait. Dans l'atmosphère visuelle. Ouais. Là où, pour le coup, je te disais, ça me semblait du studio meddling où. Il y a clairement une dissonance. Au milieu, t'as tout le ton un peu pseudo post-romain, early médiéval avec des vêtements Hot Topic. Et le côté vraiment plus heroic fantasy du début et de la fin, puis évidemment de culture trop populaire. Pour le coup, comparé à un truc comme The Last Legion, qui avait comme bon, c'était plus facile, c'était romain, mais ça avait un peu plus de cohérence visuelle. Tu vois, le King Arthur de Fouquet, certes, il y avait le côté complètement débile, la vraie histoire du roi la Arthur. La vraie en fait, histoire. Arthur est en fait un Das ou un Thrace. Un Sarmat, non. Un Sarmat, ouais. Un Das, ouais. Il vient de l'est de l'Empire. De l'est de l'Europe, enfin du sud-est de l'Europe. à la limite, c'est complètement con et ça amène à la vraie histoire, à la vraie de vraie archéologie. Mais au moins, il y avait un truc un peu fun qui était joué avec les personnages. C'était pas très exploité, mais t'avais les grands personnages qui étaient réinterprétés. T'avais Merlin, t'avais Guenièvre, t'avais. Bah, c'était un peu plus au-delà de ça, quoi, tu vois. Alors, je vais argumenter en faveur du film. Je dirais qu'au moins pour lui, il a une certaine légèreté. C'est-à-dire que quand tu vois le Fouquet, tu vois clairement, ah oui, non, il est, c'est sûr, il essaie, le Fouquet, il essaie de te faire, il essaie de te dire quelque chose. Il va te dire, ok, Merlin et Guenièvre, c'est des Pictes. Tu vois, j'ai fait mes devoirs d'histoire. Tu vois, j'ai fait mes devoirs d'histoire, ils sont sur le mur d'Adrien. Un peu comme le 3 qui disait, ah, regardez, ils ont des costumes de mycéniens corrects. C'est puis, exactement ça. Leur statue d'Apollon, elle est pas du tout cohérente avec les canons de la beauté grecque parce que ça se passe pas en Grèce classique. Non, c'est ça. Il y a des films arthuriens comme The Last Legion qui dit un truc super con qui est. The Last Legion est con du début à la fin. Puis à la fin, ils te font, eh oui, en fait, moi, je m'appelais Merlin. Et puis avant, je m'appelais Ambrosius. Regardez, j'ai tout rendu cohérent la légende. On dirait qu'ils essayent de te dire j'ai résolu la légende arthurienne. En fait, c'est ça que je déteste dans ces deux films. Oui, c'est vrai. C'est que leur conclusion, c'est on a résolu la légende arthurienne. Ça a pas à être résolu. C'est un cauchemar incohérent. Guy Ritchie, au moins, il accepte ça. Et il se dit, je vais mettre des vikings, je vais mettre des barons. Il fait ce qu'il veut. Et oui, alors ça, c'est le côté du film que je n'ai absolument rien à redire. Pour moi, je dirais, je préfère qu'on ait cet angle plutôt que quelqu'un, finalement, te donne une leçon ou te dise, ah, finalement, c'était des pics, c'était. Oui, mais, enfin, tu pourrais moi, faire ce serait un côté positif. Tout en utilisant un peu plus la légende arthurienne que ça, quoi. Oui. Parce que là, ça fait vraiment, genre, j'avais mon histoire de gangster, qui se passait à Londres dans les années 50, mais en fait, je vais en faire un film arthurien, donc ouais. Je vais spray painter les parties sur, le patron, le père du personnage s'appelait Uther, le personnage s'appellera Arthur, puis au d'avoir le flingue magique, on va l'amener. Non, mais, je sais pas. Je trouve qu'il y a presque, je dirais que ce film m'a presque l'air d'être un film fait en autocomplétion, tu sais, quand tu tapes le mot suivant qui est le plus probable. Chaque scène s'enchaîne plutôt bien avec la scène d'avant. Chaque scène, tu te dis, ah, la conclusion, c'est vraiment. Tu vois la scène d'avant, la scène d'après, ça marche. Ça marche. Quand tu vois l'ensemble, tu te dis, ok, il a peut-être été, je sais pas si c'est parce qu'il monte ses films de trop près, peut-être que c'est un problème d'écriture, je sais pas. Mais je vais quand même essayer de dire du bien de ce film, au-delà, à mon avis, du ton qui, à mon avis, on mériterait d'avoir plus de films comme ça, ce qui risque pas d'arriver vu que ça a l'air d'être un échec commercial, mais côté positif ou autre, je trouve que la musique marche assez bien. Parfois, ils utilisent des musiques plus modernes, ce que j'aime bien. J'aime pas quand un film utilise toutes ses chansons dans le même registre, etc. Des points un peu... Moi, ça m'a beaucoup fait penser à la musique, par moment, des films du Hobbit. Certains un peu. Ouais, un petit peu, mais c'est pas c'est moins le côté John Williams, Howard Shore, un peu épique quand même. Il y a plus de trucs très. Non, mais ça m'a fait penser un peu à la musique de Lake Town et des trucs comme ça, de The Hobbit. Enfin, c'est ce que ça m'a évoqué. Ga flundi heni orvidi gal angeriasil trair of lain ranu. Nagui Bodale Vigoduni. Point un peu bizarre, il y a une des premières chansons quand il y a Uther qui tue Mordred, donc dans les premières minutes vraiment, où je me suis dit tiens, c'est du gallois, effectivement c'est du gallois, et ça fait, c'est drôlement bizarre d'avoir gardé une chanson galloise alors qu'il n'y a plus rien de gallois. Arthur c'est plus un breton, ils pour sont moi, tous c'était, anglisés. C'était vraiment les sorciers, enfin les mages qui chantaient. C'est donc vrai. Vu que les matchs font plus ou moins gallois. C'est vrai que on pourrait dire qu'il y a cette dimension, les mages et les humains, c'est un peu comme les Celtes, les Germains, les Anglais, finalement. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Peut-être qu'il faut justement y voir que Arthur est un roi anglais, une espèce de réappropriation un peu sauvage. Je pense qu'au Pays de Galles, les mecs doivent être en train de faire des manifs là. franchement, si t'es nationaliste gallois, que tu vois ce film, c'est vrai que c'est pas terrible, terrible. Par contre, alors, si on peut parler de la géographie dans le film, ça m'a fait un peu triper parce que, alors, si c'est Londinium à la fin, donc ça doit être la Tamise, la rivière sur laquelle Arthur est mis. Et alors, je sais pas d'où ils sortent que les sources de la Tamise, c'est après des grandes montagnes comme celle où il y a. Ouais. Parce que t'as l'impression que Vortigern, il habite même dans les Highlands, je veux dire, c'est pas non plus si courant, peut-être au nord du Pays de Galles, t'as des montagnes comme ça, mais enfin c'est pas si commun. Enfin la Bretagne, c'est quand même pas si la Grande-Bretagne, c'est quand même pas si vallonné que ça. Je veux dire, si c'était ici, à la limite, j'aurais compris. Ouais, ils sont au haut du Rhône, bon voilà. Mais non, c'est clairement un gros truc. C'est ça m'a fait un peu bizarre la géographie du film pour le coup. Non, oui, la géographie est un peu étrange. C'est pas ça. C'est le gros problème des films comme qui est une géographie très comprimée. T'as l'impression qu'ils peuvent aller d'un endroit à l'autre en une heure de marche. C'est un peu. Bon, ils essayent d'avoir un peu les quelques scènes où ils chevauchent les mains attachées et tout, mais ça fait. pour moi, ça apporte, ça donne pas forcément de corps au film. Bah, en fait, le problème, c'est que il chevauche pendant des plombes, les mains attachées pour arriver au campement la première fois, là, au campement de la résistance. Puis après, il se téléporte. C'est téléportation instantanée. La téléportation. Donc, voilà, c'est pas, Les décors sont pas très variés, je trouve, effectivement. C'est assez gris. L'image en général était assez grise, quand même. L'image est assez grise. Il y a peu de, ils exploitent, comme ils ont peu de couleurs, bah, ils exploitent peu les différents lieux qui te permettraient de voir immédiatement où ils sont. Les décors, disons, l'architecture est pas trop mal, rien de fantastique. Il y a quelques trucs que j'ai bien aimé quand ils montrent la ville de Londinium, justement. Oui, bon, c'est sympa. Il y a des trucs un peu romains. Bon, c'était un peu trop immense pour être réaliste. Non, voilà, mais il y a des petits éléments romains dans l'architecture que j'aime bien. Bah, le côté de la palestre, un peu le genre de palestre terme utilisé pour la reine de Kung Fu George. j'aime bien les costumes en général sont bien, juste je trouve que encore une fois les stars portent des trucs qui ont l'air de les faire sortir d'une pub de vêtements actuels. Alors que les scènes où Vortigern avait été tout le temps en armure, comme typiquement tu regardes Excalibur, c'est ridicule, ils enlèvent jamais leurs armures. Uther, il fait l'amour en armure, c'est ridicule. Mais d'un autre côté, ça donne un peu de caractère au film. Il a une braquette métallique. Mais par exemple, Vortigern en armure, ça marche très bien. Puis après, il est juste avec son petit blouson, sa chemise, j'aime pas trop. Surtout, c'est très court, quoi. C'est vraiment très. T'as l'impression qu'il porte vraiment un truc collection 2017. C'est une coupe moderne, ouais. C'est très court, gênant. En fait, surtout ça le problème. À la limite, si c'était une tunique un peu plus longue, pourquoi pas. Mais vraiment, le devant, ça pose pas de problème. Mais vraiment, le blouson qui s'arrête juste au-dessus des fesses, ouais, quoi. Ouais, c'est... Vraiment, non, ça, c'est un blouson, c'est. Ça sort un peu du film, même si le côté anachronique est, je pense, revendiqué, mais enfin, c'est pas. Ouais. Le problème, c'est que si c'est revendiqué que pour deux personnages dans le film, tu vois, c'est pas. C'est pas de l'anachronisme que je trouve franchement productif, disons. Voilà. C'est-à-dire que si tu fais des anachronismes parce que, ah, j'ai envie de mettre ce symbole ou j'ai envie de mettre ça dedans. Ok, si c'est un truc qui est là parce que t'as pas, par la force des choses, t'avais pas une meilleure idée, pour moi, c'est un peu moins défendable. Un autre anachronisme qui va vous gêner, il y a David Beckham dans le film, qui joue un sergent pendant une scène. Je m'attendais à ce qu'il prenne la tête, le casque d'un soldat, puis qu'il se mette à jongler avec Astérix aux Jeux Olympiques, tu sais. Bon, franchement, ouais. Tu nous évoques des mauvais souvenirs. Non, mais c'est un peu parfois, par moments, c'était un peu le ton du film, je trouvais. C'était un peu quand mais ça flirtait avec Astérix aux Olympiques. Franchement, si vous avez fait avec David Beckham une scène où il shootait dans Excalibur, moi j'aurais trouvé ça beaucoup plus drôle en fait d'avoir qu'il fasse du foot. Là, ils sont quand même assez contenus, mais bon, il y a le caméo quand même. Je sais pas, Astérix aux Jeux Olympiques. Quand on fera la liste des œuvres citées dans cet épisode, ça va être sympa quand même. Bon, moi, le ton, je pense effectivement, je leur dis pour la 12e fois, mais ce qui m'a le plus, ce fétichisme de ce Londres dickensien, où tout le monde a un petit surnom, que Pratchett adore aussi, moi, je trouve ça insupportable. Franchement, je trouve que ça apporte pas tant de style que ça, et même dans ces Sherlock Holmes, il n'était pas autant à fond hein, là-dedans. Ouais, non, là, c'est clair que c'était vraiment... Sherlock Holmes, il allait pas... Quand il faisait de la boxe de rue, on te racontait pas que tous les petits mecs avaient un petit surnom et puis qu'après, ils allaient bouffer de la tarte à la viande en mendiant avec de la suie sur leur visage. Ils avaient ça dans l'esthétique, mais ça prenait pas autant de place dans le dialogue dans Sherlock Holmes. Enfin, Watson et Holmes sont quand même relativement éduqués. Enfin, des personnages de classe supérieure, quoi, de la classe moyenne supérieure britannique. Même s'ils aiment taper sur des prolétaires. Voilà, c'est ça. Alors que là, pour le coup, le truc assumé, c'est vraiment de ah, Arthur, en fait, c'est un gamin des rues, quoi. Pourquoi pas, hein, mais le truc, c'est que le message après du film va à contre-courant de ça, parce que le point du film, c'est que bah, Arthur doit accepter sa destinée d'un roi, alors qu'il veut pas. Alors que si, à la limite, Arthur avait vraiment été le fils de Uther et d'une prostituée, ou tu sors le truc un peu autrement, ça aurait été. Plus de potentiel pour moi. Alors mais que là, c'était juste, ah non, on veut le faire dans un bordel, mais en le gardant très, voilà. Mais c'est ce que je dirais, c'est que les altérations ont pas tant d'impact. La plus grande altération, c'est ça, Arthur, c'est un boxeur des rues, ok. Et ça a des conséquences. Mais les autres altérations qui sont faites sont pas tirées à leurs conséquences logiques. C'est-à-dire que Bédiver est noir, et puis clairement, Arthur le reconnaît parce qu'il fait même une blague à un moment, il dit, si vous êtes mon père, ce que je pense assez improbable, il dit, à part si vous êtes mon père, ce qui est assez improbable, ça m'intéresse pas ce que vous me dites. Et ils utilisent pas ça autrement. Que Vortigern et Uther soient frères, c'est pas utilisé. Typiquement, tu prends Camelot de 2011, ils ont inversé la dynamique entre Anna et entre Morgan et Arthur, où ils ont dit Morgan est la fille légitime et Arthur est illégitime, alors que d'habitude ce serait un peu différent. Ce serait que Morgan est la fille de Gorlois, tandis que là Morgan c'est une fille de Uther. Ça dépend chez qui, hein. Ça dépend chez qui. C'est pas le cas chez Jeffrey, par exemple. Il me semble pas qu'Anna. Non, ça dépend chez qui. Mais disons, cette configuration généalogique qu'ils choisissent a des conséquences. Anna se sent l'enfant légitime et elle sent qu'Arthur est légitime. parfaitement explicable. Elle est pas aussi dans Merlin, la série TV de la BBC. Je sais pas, j'ai pas vu la BBC. J'ai vu que des épisodes par-ci par-là. Il me semble qu'elle est aussi. C'est possible. Non, mais ils ont fait des choix qui sont plus ou moins respectés et qui ont des conséquences logiques. Là, Vortigern et Uther sont frères, ça n'a pas plus de conséquences, c'est plus pour économiser de la place, c'est un peu comme Yvain et Guenièvre qui sont frères et sœurs dans Kaamelott, ça sort de ce que je comprends nulle part, et ça apporte pas grand-chose. Là, le fait que le mage noir s'appelle Mordred, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de porter le nom de Mordred? Il aurait pu l'appeler autrement. Ça, c'est une sirène où les gens qui connaissent un peu les trucs arthuriens se disent « Ah, Mordred, c'est un dog whistle arthurien, oui. Si tu veux, il réagit voilà, à ça. » C'est ce que je disais justement sur l'univers qui n'est pas exploité pour moi de la façon dont tu l'aurais pu l'être intelligemment, quoi. Ouais. Même en mêlant avec le côté Mockney, pseudo-parodique de films de gangsters. Pour moi, c'est ça, c'est un genre de pastiche arthurien, mais sans... C'est un peu creux, quoi, vraiment. Ouais. C'est le principal problème du film, en fait, c'est que c'est creux. Il y a du potentiel, il y a des bonnes. Alors après, l'idée de faire de. J'ai trouvé pour le coup que le film échappe à quelques écueils qu'on voit souvent dans ces films historiques où tout le monde est plus blanc que blanc, alors que la Bretagne romaine et post-romaine, on sait, il y avait une population quand même non romaine, enfin non celte et non européenne, parce que l'Empire romain était quand même un espace où tu bougeais beaucoup. On a retrouvé des gens qui venaient clairement d'Afrique, à York, par exemple. Donc, c'est pas un problème d'avoir. Je veux dire, c'est pas surpris que ce soit abordé, qu'il soit noir. C'est un peu voilà. Non, ils le mettent et puis ils s'en fichent. C'est pas le problème. Mais simplement, ils ont des éléments qui sont reconnus. Genre, ils appellent le mec Chinese George, Kung Fu George. Puis t'es là, genre. Et il a pas d'histoire, ce mec. Il est là pour se bastonner, mais on sait rien de sa vie. On sait rien de la vie de Bédivère. On sait rien de la vie de personne. C'est pas un problème. Pour ces personnages, c'est un problème pour tout le film. Bon, ça c'est vrai. Et c'est le traitement superficiel, le traitement superficiel des personnages féminins du film, j'impute justement à ce côté justement vestiaire de club de foot. Non mais oui, permanent. Mais qu'est-ce que là, je veux dire, rien quand tu vois le trailer où t'as Arthur qui se tape les pectoraux, t'es là bon, ok, ça va être. on est parti pour un beau voyage. Les meufs dans ce film sont là pour se faire tuer ou vaguement sauver. À la fin, justement, ils sauvent tout le monde, ils ouvrent des cages au hasard, ils sauvent des gens. Je crois pas que le film passe le test de Bechdel, il me semble. Probablement pas, déjà qu'il n'y a aucune des femmes qui est nommée, même la mage, qui est celle qui a le plus grand rôle, a pas de nom. Franchement, c'est pas accidentel, c'est un film un peu macho aussi. Enfin, je veux dire, tu regardes ce truc du début à la fin, t'es la bombe. Voilà, c'est. Mais c'est ça qui est dommage, la légende arthurienne, enfin, je veux dire, il y a quand même des femmes qui jouent des rôles importants. Alors que c'est justement parfois problématique pour leurs auteurs, enfin, Larman. C'est un thème récurrent chez Larman que tu peux pas savoir ce qui se passe en tête des femmes quand Ygerne est séduite par Uther. Est-ce que Ygerne est amoureuse d'Uther? Qui peut le savoir? Ce qui est un écho du fait que Guenièvre trahit Arthur chez Larman. Les auteurs arthuriens sont pas forcément woke et puis c'est des rôles qui sont souvent très stéréotypés. Les personnages jouent des rôles très importants et très intéressants. Enfin, je veux dire, tu regardes chez Yvain, t'as un personnage comme Lunette par exemple qui a un rôle extrêmement important. C'est Guenièvre est un personnage important dans certaines légendes arthuriennes, pas tant toutes, mais dans quelque chose comme les aventures d'Arthur par exemple. C'est Guenièvre et Gauvin qui sont les personnages principaux de Lady Bertilac dans Sir Gawain Chevalier, c'est des personnages qui ont des rôles importants. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir de. J'avoue que mes personnages préférés, ça doit être probablement les demoiselles du Père Lesvos, genre celle qui crée une espèce de guillotine pour tuer les meilleurs chevaliers du monde, et puis elle accueille Lancelot, elle lui explique son plan machiavélique sur comment elle prévoit de tuer les trois meilleurs chevaliers du monde, et elle a créé une espèce de lame qui tranche la tête quand il passe la tête pour regarder dans un truc. Il y a des personnages intéressants, pas forcément toujours un peu stéréotypés, et puis il y a aussi clairement des clichés et tout. Mais aussi, je pense, c'est que si tu prends Chrétien de Troyes, par exemple, l'angle de ses romances, bien sûr, l'angle romantique, si on veut, des impératifs que la liaison amoureuse impose, c'est quelque chose de très important. L'histoire de Lancelot et Guenièvre, si tu prends le Lancelot propre du Lancelot Graal, qui est ce monstre en 4 ou 5 volumes, suivant comment il est coupé, c'est quelque chose, les relations amoureuses sont quelque chose d'essentiel, et du coup tu peux pas développer des relations amoureuses autant sans avoir un minimum des femmes qui font des trucs. Là, c'est le début de flirt de blockbuster que tu sens qui devrait se conclure à la fin, mais voilà, c'est tout. C'est pas le thème qui est intéressé là, donc forcément il y a que des mecs qui, et surtout il y a tellement de mecs, genre il y a tellement de personnages, comme tu disais, Perceval et Rubion, on les confond, je crois que je les ai confondus aussi, et je suis même pas sûr qu'on soit au clair sur qui est qui. Ils servent à rien, quoi. Il y a trop de bonhommes interchangeables. Moi, t'as l'impression qu'en fait il devait caser tous les potes de son équipe de foot, et puis que Pour David Beckham. Pour David Beckham. Donc voilà, c'est l'essentiel des problèmes du film. Après, l'essentiel, on n'est pas très synthétique. On n'est pas très synthétique, mais enfin, c'est. C'est un film qui est assez macho, bonhomme, vraiment très. Ouais, Arthur, c'est un bonhomme. Et puis quand il y a. Je reviens là-dessus. Mais donc, quand il y a le QG, ils reviennent. Et puis t'as le mec qui est en train de, je sais plus, il bouffe une pomme ou je sais plus ce qu'il fait, voilà. Et qui dit, bon, bah, je vais me casser maintenant. Puis t'es là, mais pourquoi ils ont laissé un seul mec? Et puis pourquoi ils le laissent partir? Pourquoi ils le butent pas? Parce qu'ils ont dit que s'il revenait pas, ils butaient les autres directement. Ouais, mais il a qu'à y aller directement. Et puis voilà. Enfin, on sait pas à quelle distance ils sont, mais j'étais pas. C'est vrai que ça, c'est curieux. Je trouvais ça. Il a son truc téléporteur instantané. C'était juste pour montrer des mecs qui montraient un peu leur torse et tout, puis bon, voilà. Non, on va pas en parler pendant 10 heures. Pour conclure, franchement. On a quand même déjà fait pratiquement 2 heures dessus, là. C'est pas un mauvais film pour moi. C'est pas une catastrophe. Et franchement, vous allez avoir des tas de fans d'Arthuriana qui ont leur film préféré. Moi aussi, j'aime beaucoup Excalibur de Borman. Oui, quand vous avez votre version préférée, c'est clair que toutes celles d'après, elles ont l'air fades et puis elles conviennent pas à ce que vous cherchez. Il y a beaucoup de gens qui étaient tristes de pas avoir Merlin. Moi, c'est pas un problème qu'il n'y ait pas Merlin. C'est un problème que les personnages qui ont un rôle de mentor, magique ou chevaleresque, c'est-à-dire Bedivere et le mage, soient pas développés ou soient pas intéressants, c'est un problème. Mais s'ils m'avaient donné ces personnages-là intéressants et ils avaient viré Merlin de l'histoire, moi, ça m'aurait été complètement égal. Je pense que le film devrait être jugé en lui-même. Pas parce que c'est dur quand vous parlez de trucs arthuriens, parce que bien sûr ça s'inscrit dans un contexte, mais je pense que le film devrait être jugé en lui-même et pas pour les choses dont il ne parle pas et dont il aurait pu parler. Mais même si tu le juges comme ça, je pense qu'il est il a quand même des gros défauts, quoi. Même si personnellement je l'ai trouvé bon, je me suis pas trop ennuyé. Moi je me suis quand même pas mal fait chier à partir de la deuxième moitié du film, je vais l'avouer. Je l'ai dit, mais c'est vraiment pas pour moi c'est oubliable, en fait. C'est ça qui est le plus criminel, ouais, à propos de ce mémorable. Film, c'est que c'est pas mémorable, c'est oubliable. Oui, j'ai vaguement passé un bon moment, il y avait des scènes rigolotes, je me suis amusé. Les scènes, effectivement, c'est le genre de film que je serais ok de voir en DVD, mais si vous n'êtes pas plus excité que ça à l'idée de voir, c'est non. Pas complétiste. Je ne serais pas allé le voir si j'ai pas un complétiste de légende arthurienne, quoi. Je dois dire quand même qu'il y a un minimum de talent dans la narration visuelle qui passe et qui n'est pas vraiment exploité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses complexes qui sont racontées de façon très efficace. Narration efficace, ça veut pas dire bonne narration et ça veut pas dire une bonne histoire. Mais il y a beaucoup de choses qui auraient pu être racontées de façon barbante. Si je prends par exemple le King Arthur and the Last Legion, je trouve ces deux-là ont, en termes de raconter une histoire, ils sont transparents, ils sont pas intéressants. Là, il y a au moins des petits effets de style, il y a un style. Sauf que le problème, c'est que le temps qu'il a gagné avec ça, il le perd à nous mettre ses cockneys qui se balancent des vannes. Et du coup, on n'en sort pas mieux. Mais il y a quand même, justement, je trouve un minimum de narration visuelle qui marche bien et qui marchait très bien dans les Sherlock. Enfin, en tout cas, j'ai vu que le premier, parce qu'il développait un mystère. Mais là, le mystère, il n'y a pas vraiment de mystère. Il y a un peu de trucs que tu découvres au fur et à mesure, mais c'est pas assez complexe, à mon avis, pour porter le film comme un film d'enquête ou un film de mystère. Et ça peut être une des faiblesses de cette approche, en fait. Bah, tu vois, mon problème essentiel, c'est qu'il est préféré se tenir à la version Cliff Notes d'une version générique de la naissance d'Arthur pour son truc, et qu'après, il ait tout basé le film sur ça. Ouais. Alors que s'il avait dit, c'était dit, bon, mais il avait fait ce que disent maintenant les producteurs, mais maintenant, on va pas faire une origin story, tout le monde la connaît. S'il s'était dit, tiens, on va commencer, par exemple, avec Arthur, qui est un jeune roi qui... la première scène, c'est il libère l'épée du rocher, puis qu'après, il doit se battre contre ça et ça pour faire son histoire. Il y aurait eu plus de temps à consacrer à ça, ça aurait été plus rempli. L'obsession de l'origin story, justement, ouais, pour moi, est problématique, quoi. Bah, ça, c'est ou clair. Alors, soit tu fais un film sur... soit il veut faire son film Cockney sur Arthur. Alors, dans ce cas, t'enlèves les éléments sur Uther, soit t'enlèves beaucoup d'éléments de ça, soit tu fais un film, puis qu'à la fin... Et alors, tout à la fin, à la limite, tu mets la légende, l'épée arthurienne, parce que comme ça, t'as le temps de bâtir le monde dans lequel il vit, les personnages, ouais, etc., les enjeux, éventuellement un indice que c'est lui qui va retirer l'épée, puis qu'à la fin, il retire l'épée, ouais, quitte à ce que ce soit avec un twist ou un truc du genre, ou alors, tu fais ce film sur Arthur qui retire l'épée, qui après, qui devient. Mais à mon sens, c'est de comprimer les deux, plus toute cette histoire avec ses mages et ses trucs, ça rend un film qui veut faire trois trucs à la fois et qui est chaud aux trois, en fait. Un peu, ouais. Bah, c'est pour ça que j'étais enthousiasmé par l'idée d'un univers étendu arthurien. Bah, je me disais peut-être qu'on va pouvoir avoir une histoire, parce que Borman il a fait, ok, on va faire un peu tout Mallory, il a tout mis dans un film, ça fonctionne plus ou moins bien. Ce film c'est aussi un carnage un peu, on vous en parlera certainement un jour, mais c'est clairement pas l'optique que j'ai envie de tout le monde. J'ai envie que quelqu'un puisse se dire, j'ai envie de faire une histoire de chevalier et je vais prendre l'histoire de Lancelot, je la fais. Et l'idée d'un univers étendu, ça aurait été très bien pour ça. Le problème c'est que, à mon sens, c'est que vouloir commencer par le début comme ça, que tout le monde connaît, c'est exactement pareil que les 14 films Spider-Man, on connaît l'histoire de Spider-Man. Puis surtout, ça a tendance à faire un truc que les quand t'as écrit un truc en plusieurs volumes, t'as tendance à faire, c'est que du coup, tu empruntes sur le temps, sur les films à venir, du crédit narratif, si tu veux. Ouais. Tu dis, vu que les moments fun, j'ai besoin d'avoir des trucs à dire dans les films suivants, donc là, pour le coup, on va prendre, tu diras, ah, de toute façon, leur banter, leurs relations, les personnages, on va les développer dans les films suivants. Du coup, je mets des trucs qui sont... qui sont indispensables. Qui sont indispensables, je les enlève et je les mets seulement dans le... Je me dis, on va les mettre après, expliquer l'origine de Bedivere ou expliquer les relations de Bedivere avec Arthur, c'est un truc qu'on pourrait explorer dans le deuxième film. Cette tendance à repousser et du coup à faire un film qui est, du coup, paradoxalement vide, mais trop plein, parce qu'il y a trop de trucs différents. Il se dit, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être trop... Il y a trop de la même chose. Je veux dire, la scène où on nous explique comment Arthur a tabassé un peu un chef viking, on s'en fout, finalement. Bah, ça a une vague conséquence. On lui avait dit, fais un film arthurien, c'est ton seul film arthurien que tu dois faire, et que tu n'auras pas forcément une suite après, voilà. Ça aurait été probablement plus efficace comme film. Comme conclusion, je ne sais pas si on peut vous le recommander, comme a dit Antoine, si vous êtes un complétiste... Il faudra que vous alliez le voir, parce que si vous êtes fan d'Arthuriana, de toute façon, il va ressortir régulièrement dans les discussions à venir. Quand on parlera d'adaptation, on parlera de lui aux côtés des autres qu'on a évoqués ici. Intéressant dedans, il y a des éléments qui sont... Uther qui est la pierre de l'épée, franchement, je pense que c'est complètement débile et génial, et que ça pourrait être, dans le cadre d'une autre histoire, ça pourrait être encore mieux. Voilà, et puis il y a quelques scènes quand même qui sont vachement bien de combats médiévaux fantastiques qui sont un peu Le début est très solide, je trouve, franchement. Le début est très solide, il y a quelques le duel il est très médiéval fantastique bateau, mais dans ce la genre quête, là la quête, j'aime bien aimer la quête d'Arthur dans les mondes des ténèbres, ça c'était ça va, c'est assez monté assez rapidement. Non, il y a quelques trucs qui peuvent vous parler, mais c'est vrai qu'en définitive, qu'est-ce qu'on va se rappeler de ce film dans 10 ans? Je pense que malheureusement, ce film, dans la mémoire collective, ça devient une caricature de lui-même. Ça veut dire les Oi Mate, les problèmes de timing, Jude Law qui surjoue à mort. Et ça, malheureusement, ça fait pas beaucoup de faveur à Guy Ritchie et probablement qu'il va jamais faire les autres films qu'il voulait faire. La série de films est sérieusement compromise. Il faudra voir les adjectifs de bloc. Peut-être que si le film fait très bien en Chine, on aura droit à King Arthur 2, mais enfin, c'était déjà le cas pour Warcraft 3, pour le film Warcraft, et on n'a pas eu une suite, donc ça m'étonnerait. Mais pour le coup, il y a vraiment, j'ai l'impression, une espèce de malédiction sur les films heroic fantasy ces derniers temps. Warcraft, ouais, qui était aussi assez un échec. Ouais. D'ailleurs, pour certaines des raisons assez similaires à celui-ci. Il y avait le film du Hobbit qui était pas terrible, la suite, bon, ça, c'était pas un échec. Hein. C'était pas un échec, mais c'était aucune définition du terme, c'était un échec. C'était pas non plus extrêmement, voilà, s'il y a pas... Après, est-ce que ça va... On va avoir droit à un assèchement du made fun, je pense pas. Mais, enfin, des films sur le roi Arthur, pour le coup, il y en a eu 3-4 quand même, dans des environnements arthuriens ou pseudo-arthuriens, autour de la... Bah, c'est sûr que ça risque de tuer le marché, en fait, d'avoir... Quand tu vois ça et que tu dis que ça marche pas, ça m'étonnerait qu'on voit, comme on a pu le voir pour le Livre de la Jungle, on avait 2-3 films sur le Livre de la Jungle en même temps. Bon, c'était parce qu'il était libre de droit, non? C'était oui, ça. Mais Arthur aussi, c'est libre de droit, hein. Enfin, oui, c'est des périodes, souvent. À mon sens, il faut peut-être attendre un moment avant de voir. Peut-être que ça va causer, on se dit, non, finalement, Arthur, c'est trop compliqué, il y a trop de gens qui font faire, on va prendre un truc qui n'existe que dans une source, on va refaire Beowulf, tiens. c'est le prochain sur la liste, Beowulf. Bah, je pense que si Guy Ritchie veut faire des héros culturels anglais, bah, il doit faire Robin des Bois, en fait. C'est un peu le... Alors, pour le coup, bah, le film Robin des Bois, je comprends pas pourquoi il l'a pas déjà fait. Pourquoi il a pas encore fait Robin des Bois? Ce serait parfait. Il aurait sa bande de malfrats, de Jolly, comment ils s'appellent, les Merrymen. Les Merrymen de Robin des Bois qui seraient là, en train de... We're fucking not merry, mate. We're fucking not merry. Il aurait, franchement, on dirait qu'il essaye. D'ailleurs, il y avait eu un Robin des Bois il y a quelques années aussi qui était un peu catastrophique. Ouais, mais ça c'était la version Robin des Bois, Dieu à la fou quoi, romanisé. Non, pas romanisé, mais historique. Le vrai Robin. Voilà. Alors que là, pour le coup, un film Robin des Bois, là, oui, là, il y a du potentiel. Ce serait dans ses... Franchement, on dirait qu'il essaye de faire ça. Je sais pas comment dire. On dirait qu'il s'approche de ça et qu'il va... On va atteindre l'idée platonicienne du film de Guy Ritchie s'il fait un Robin des Bois. mais... Non, mais pour le coup, alors, tout le film, le côté vraiment avec les côtés un peu, les personnages un peu ridicules, qui font un peu vaguement moderne, ça existe dans Robin des Bois. Je veux dire, t'as des noms de personnages de Robin des Bois. Little John, par exemple. Bah voilà. Tu peux mettre des noms assez ridicules. Goose Fat Bill, par exemple, il pourrait être un personnage chez Robin des Bois. D'ailleurs, c'est un pseudo Robin des Bois, il tire à l'arc et tout. Il est super bon. Et ils ont tout le truc qui marcherait super bien dans l'univers Robin des Bois, parce que là, pour le coup, il n'y aurait pas cette espèce de dissonance nécessairement. Ouais. Je comprends que les dissonances sont intéressantes quand tu rajoutes un truc, mais là, pour le coup, chez Robin des Bois, ça passerait bien. Tu n'aurais pas forcément besoin de faire un micmac, quitte à déplacer un peu l'histoire dans le temps. Tu n'es pas obligé de la mettre. Bon, alors, c'est sûr, du Robin des Bois, du prince au Japon, mais... de l'ère Edo. Mais enfin, je veux dire, tu pourrais faire un peu un côté anachronique, pourquoi pas, ouais. Mais il y aurait moins ce côté micmac. De toute façon, on était obligé de le mettre dans une version vague du passé parce que c'est une version vague du passé, ouais, ouais. La légende arthurienne. Ça serait peut-être un peu plus cadré, ça l'aiderait peut-être à quelque chose, je sais pas. Après, pour les films arthuriens, il y a des films qui ont des motifs arthuriens qui continuent à sortir généralement. D'ailleurs, j'ai vu en allant le voir le trailer pour Transformers 5 de Last Night où il y a l'air d'avoir des motifs arthuriens, donc peut-être qu'on vous en parlera à l'occasion. Je pense pas, je pense franchement pas qu'il y a grand chose, mais apparemment, il y a une, enfin, dans le trailer, il y a une espèce de table ronde. Oui, parce que je crois que les Autobots, en fait, à la base, sont arrivés sur Terre il y a bien longtemps. Et puis, il y a des chevaliers qui les ont gardés. Mais il me semble que déjà, dans le dernier, en date, il y avait un élément médiéval, donc. Franchement, je ne saurais pas te dire. Mais enfin, j'imagine qu'on verra des films du genre sortir encore. Espérons, je crois qu'il n'y en a aucun gros en projet pour l'instant, de ce que je sais. Mais en même temps, celui-là, apparemment, il a été dans les cartons depuis, depuis 2010-2011. Et puis, c'est que dès 2014 qu'on a eu des rumeurs plus, des annonces plus solides. Donc dans 4-5 ans, et si vous en commencez à entendre des choses. C'est ça, je doute qu'on voie quelque chose avant les 5 prochaines années. Peut-être une série, par contre, parce que ça fait un moment qu'on n'a plus de série arthurienne. Et ça, ce serait fort possible que ça arrive. Bah là, pour le coup, avec Game of Thrones, des séries comme Vikings, Game of Thrones. The Last Kingdom, ce genre de truc, même il y avait même un Beowulf, une série Beowulf. Ça m'étonne qu'on n'ait pas vu d'autres. Peut-être que le Camelot de 2011 était trop frais dans les esprits. Je sais pas s'ils avaient des trop grands acteurs pour rendre ça supportable. Je sais pas pourquoi ils ont pas eu plus qu'une saison. Je pense que c'était un échec, mais elle était, moi, après, je la trouvais bonne. Après, à voir ce qu'ils en font, quoi. Mais il y a le film d'époque, passe, je pense bien. Et surtout, les films du roi Arthur, à moins de vouloir faire absolument des trucs avec plein de scènes d'action, tu peux très bien les faire à la TV, ça marche bien. Ouais. D'ailleurs, le Camelot de 2011 se terminait aussi avec la construction de la table ronde, donc si vous voulez faire un truc arthurien qui projette d'avoir une suite, ne le finissez pas par la construction de la table ronde. Ça, il y a l'air d'avoir une espèce de malédiction, parce que c'est vrai que c'est le truc que tu te dis, ça finit et tu montes la table ronde et tu dis « Oh, ça promet toutes les aventures de la table ronde », et puis après, il n'y a pas de suite. C'est vrai que c'est la fin logique si tu veux faire une fin ouverte, mais apparemment ça leur réussit pas. Non, effectivement. Que ce soit Kaamelott, tout ça. Bah, faudra voir le prochain film arthurien. J'ai l'impression que ce sera Kaamelott, en fait. La suite de Kaamelott. Kaamelott de Alexandre Astier, c'est vrai que dans le futur proche, ça doit. C'est le seul qui doit. C'est le seul qui est en fait dans le. Pour l'instant, il a dit qu'il les faisait, hein, mais on n'a rien vu de. A priori, le tournage, je crois, c'est cet été. On a encore rien entendu beaucoup, mais enfin, si ça devrait commencer bientôt, si on en croit ce qu'il avait dit. Quand on a une date solide pour Kaamelott, on va binge-watcher toute la série, puis on fera des épisodes spéciaux Kaamelott, je pense. Ah, ça pourrait être rigolo aussi. Je pense que ça peut être intéressant justement de regarder. J'ai pas envie d'être le gars qui fait Kaamelott, c'est la série de référence arthurienne, mais à bien des égards, le problème c'est que ça l'est, ouais. Et que pour le coup, le côté anachronique et le côté, on en fait un truc à la The Office ou à la Caméra Café, le choc. Pour le coup, le choc d'un genre avec la légende arthurienne, c'est Kaamelott qui a peut-être fait une des meilleures versions de ça, quoi, mine de rien. Bah, c'est une série qui est certainement pas inintéressante, donc ce serait intéressant de vous en parler à l'occasion. Maintenant, c'est vrai qu'on peut pas parler d'une série. Déjà, vous avez vu, on parle. On a réussi littéralement à faire le runtime du film, pratiquement, à papoter pendant pratiquement la longueur du film. Donc, Kaamelott, je pense qu'on arriverait aussi à parler pendant 20 heures. À peu près 6 jours de podcast en live. Non, c'est clair que ce serait abordé plus synthétiquement, mais je pense qu'on vous fera à l'avenir un de ces trucs. Donc, est-ce qu'on conclut maintenant ? Bon, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc, on va vous laisser avec ça, nous penser un peu dans le désordre sur King Arthur, Legend of the Sword, le roi Arthur, la légende d'Excalibur. Il va rester en salle quelques temps, je pense. Si c'est pas un échec monumental, ouais. On vous retrouvera la prochaine fois pour vous parler de Chrétien de Troyes. Donc là, ça va On va commencer les choses sérieuses. On va commencer les choses sérieuses. Un auteur qui est certainement plus connu pour des francophones que les autres qu'on a vus les dernières fois, qui a souvent. Ne serait-ce que parce que vous l'avez peut-être lu au C'est lycée, ça arrive qu'on le lise à l'école. C'est une référence dans le roman national littéraire français. C'est une référence incontournable. Parce que pour le coup, c'est un des auteurs français dont on sait qu'il a écrit en France. Quand tu regardes Oas, quand tu regardes la chanson de Roland, sont les textes anglais, enfin en anglo-normand. Pour le coup, c'est un texte en français. Donc, ce sera intéressant, on vous parlera de ça. C'est des histoires qui sont encore influentes aujourd'hui, qui sont encore importantes et qui sont, franchement, je trouve encore bonnes, même pour un lecteur moderne. Mmh. Elles peuvent se valoir. Maintenant, c'est clair qu'il faut aimer ce genre. Et on espère que ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine fois. À très bientôt. Dans TV Nerd, je vous donne rendez-vous avec mes chroniqueurs pour passer en revue la vie des médias audiovisuels. Télé, radio, internet, tout y passe. Au programme de chaque épisode, retrouvez un condensé de l'actualité des médias, un bon gros dossier qui déboîte et nos recommandations de programmes à consommer sans modération. TV Nerd, c'est en direct un dimanche sur deux sur Radio Kawa. Flash Info, la France a peur. Coups, meurtres, têtes arrachées, corps électrocutés, masques répugnants, bêtes horribles, démons rugissants. Nous venons d'apprendre le lancement d'un podcast sur le Japon. En direct, la réaction de Ségolène Royal. Ah, cachez vos enfants, ils arrivent. Radio Kawa présente LOL Japon. Animé, manga, jeux vidéo, visual novel, le pire et le meilleur du Japon.